Salut à tous et bienvenue dans Bien au Chaud, le podcast qui réchauffe pour vous la pop culture. Au menu de ce podcast, eh bien du ciné, de la série télé, du jeu vidéo et même du comics, pourquoi pas. Je suis avec une équipe flamboyante et sémillante. On va commencer, comme nous sommes galants, on va commencer par les filles, enfin la fille, avec Faye de la... Mais quelle fille ? Mais quelle fille, exactement, par Faye de l'Amical du Geek. Salut à toi Faye. Bonjour à tous, je change de voix de par rapport à tout à l'heure. Nous sommes aussi avec Starflord de la chaîne YouTube Starflord, la chaîne éponyme. Qui parle de Starflord, salut à tous. Et nous sommes avec Goustik de la Voix du Geek. Bijou bijou. Et moi je suis James de la Michael du Geek, vous m'aurez peut-être reconnu. Ah bah non. Ah vous m'avez pas reconnu, bon, bah, oh. Alors je tiens à nommer une personne en attendant. Sachez que normalement il devait y avoir avec nous Bilou de Il y a plus de saison, la chaîne qui parle de séries télé. Et aussi Bilou, la chaîne qui parle de sketch humoristique. Et qui devait être avec nous, mais malheureusement il y a beaucoup de problèmes techniques. Donc on a une grande pensée pour lui. Et il sera là la fois prochaine. Bon ouais, en fait il est mort, voilà, faut le dire, il est mort, il a eu un accident de... Il a trop de charisme en fait, voilà. Il a vu Leonardo DiCaprio et ça lui a fait un choc. Voilà. Donc, on va revenir au cours normal de ce podcast. Dans le podcast, vous allez avoir des news, je vous ai préparé des petites news sur l'actu pop culture. Pas mal de ciné, un peu de comics et un peu de séries. Il y a aussi des gens qui vont parler de... Oui. Il y a des gens qui vont vous présenter des œuvres culturelles, notamment Faye qui va nous parler de... Alors, je vais vous parler de Off to Get Away with Murder et de Shonda Rhimes. En fait. Ok. Voilà. Et de la fête à la maison aussi. Oui, alors c'est mon coup de gueule, mais vous allez voir, vous dites, mais il n'y a pas de rapport, mais vous allez voir, je vais vous le prouver. Alors, on a Starflor qui veut nous parler de bande dessinée, je crois. Oui, plus exactement Last Man. Voilà. Et il y a Gusty qui veut nous parler d'un film. Oui, exactement, bah, d'une adaptation super-héros, c'est un petit héros pas très connu, il s'appelle Deadpool. Donc, voilà. Et on va finir par ce qu'on a envie de voir dans les prochaines semaines qui vont arriver, et on va commencer de suite avec les news, et avec une news très très fraîche. Je suis trop content de faire tes news. Ouais, je suis trop content de faire mes news, puisque hier c'était les Oscars, et on va revenir un peu sur le palmarès des Oscars, et on va commencer avec les meilleurs effets spéciaux. Alors, DiCaprio, pardon, excusez-moi, non. Désolé. désolé. Alors les nominés, il y avait Mad Max Fury Road, qui au niveau effets spéciaux, ça va... On pose dans la balance. Voilà. Il y avait aussi Star Wars, Le Réveil de la Force. Ça, on s'y attendait ouais. Un peu. Oui. The Revenant, que je n'ai pas, enfin, dont j'ai vu, pas encore vu. Qu'on n'a pas encore vu. Non, mais c'est bon, on va pas raconter. Toujours pas vu. C'est pas grave. Et Seul sur Mars aussi, qui était cool. D'accord. Et Ex Machina aussi. Et qui a gagné, c'est Ex Machina, le film de... Bien, comment il s'appelle ? Andrew Whisper. Ah, c'est lui ? Je sais pas, il me semble. Ah non, c'est ceux qui non, font c'est les effets spéciaux. Spéciaux, ça. Excusez-moi. C'est merde, comment il s'appelle ? Bon, bah, je sais plus comment il s'appelle, le mec. En tout cas, Ex Machina, c'était assez cool. Je sais pas si vraiment les effets spéciaux. Bah, moi, je trouve qu'ils étaient, au niveau visuel, au niveau du robot, je trouvais que c'était assez bien fait. Et quand on sait qu'il a eu un budget pas si énorme que ça. Et d'ailleurs, on salue Louis de le Cinéma du Driver qui disait sur Facebook qu'il avait moins de budget que Létuche ou qu'Aladin. Ah donc, oui. Et c'est un film d'une intelligence, comme je disais à James. C'est pas Andrew Nicole, non, c'est pas Andrew Nicole. Peut-être je vais regarder. Je raconte dessus. Mon histoire. Comme je disais à James, quand je l'ai vu, la fin m'a pas plu, ça m'a énervé parce que c'était pas ce que je voulais voir. Mais j'ai fait que réfléchir sur ce film pendant toute la nuit. C'est Alex Garland. Ouais, Alex Garland, tout à fait. Et j'ai fait que réfléchir et tout. Et en fait, plus on y réfléchit, plus on voit à quel point ce film il est intelligent. Et intéressant et philosophique. Et franchement, maintenant, j'ai envie de l'acheter parce qu'il m'a vraiment interloqué. Quoi. D'accord. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, je vous conseille Ex Machina. D'accord, ok. Ouais. Je crois que Goustik l'a vu, non ? Tu l'as pas vu, Goustik ? Non, non, je ne l'ai pas vu. C'était un des films que je voulais voir avec Mad Max en 2015. Et au moment où je voulais le voir au cinéma, il n'y était plus. Alors du coup, je suis allé voir Jurassic World. Il n'a pas eu une grosse distribution, je crois. Non, il a vraiment une distribution. Je crois que nous, il n'est même pas passé dans notre ciné. Oui, j'ai dû le voir grâce à mon oncle d'Amérique. Parce que impossible. On l'a pas vu en canadien en plus. Non, je l'ai vu en VO sous-titré. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a vu en VO. Et d'ailleurs, dedans, il y a deux acteurs de Star Wars, puisqu'il y a Isaac. Oscar Isaac. Oscar Isaac. Ouais. J'allais dire Iskar Ozak. Et le petit Weasley, là, le petit rouquin là, qui fait le jeune. Je ne retiens jamais son nom. Gleeson. Je sais plus. Enfin, c'est un Weasley pour moi, ça restera toujours. Un mec d'Harry Potter. Mais les deux étaient très très bons. Ils sont très très bons. Ouais. Même la fille qui joue. Ouais, aussi, je la connaissais pas trop. C'est un petit huis clos pour les gens qui ne savent pas. Et vraiment, il y a trois personnes, point barre. Donc, il y a l'Asiatique aussi. Donc, un très bon film à regarder du coup. Ouais, un très bon film à regarder. Franchement, qui va te faire mais réfléchir. Il m'a fait autant réfléchir que Heure, par exemple. D'accord. On va passer au meilleur montage son. Alors, au nominé, on avait Seul sur Mars aussi. The Revenant, Sicario, un film que j'ai pas eu la chance de voir cette année, mais qui apparemment tout le monde dit qu'il est génial. Donc allez voir Sicario. Et Star Wars, Le Réveil de la Force. Je crois que c'était les deux seules nominations de Star Wars. Non, ils en avaient cinq. Ils en avaient cinq, je crois qu'il y en avait deux. Bon, bah, on verra ça. Ah oui, puis, je vois plus haut dans mon truc. Oui. Et c'est Mad Max Fury Road qui a gagné le meilleur montage son. Oh. Je pense que c'est. C'est mérité. Ah bah, rien que pour le mec à la guitare. C'est la guitare, forcément. Ce truc, mais je l'ai vu, j'ai cru que j'explosais. Ah, mais une très bonne ambiance. Hein. Ah, mais je l'ai kiffé, franchement. Et on va passer direct au meilleur mixage son. Donc, j'aimerais, dans les commentaires, expliquez-moi la différence entre le mixage et le montage. Bah, si, on te dit si c'est bien monté le son, s'il n'y a pas des pouettes et des machins. Et mixage, mixage c'est si tout est bien mis. S'il n'y a pas genre la musique qui est trop haute par rapport aux voix. Ouais, ça doit être un peu plus compliqué que ça, mais c'est pas grave. Ah, oui, non, mais j'essaie de simplifier les choses. Il faut un mixeur et un monteur. Nominé, il y avait Le Pont des Espions, un autre film que je vous conseille parce que c'est. De Spielberg. De Spielberg, qui était vraiment sympa. Seul sur Mars, encore une fois. The Revenant, encore une fois, et Star Wars Le Réveil de la Force. Encore une fois. Et c'est Mad Max Fury Road qui a gagné le meilleur mixage son. Mixage son. Je pense que c'est mérité. Mais de toute façon, on va faire ça. Mad Max, techniquement, il n'y a rien à redire. Ah oui, là, ça a été la grosse claque 2015. Hein, C'est le meilleur film du monde, voilà. J'irai pas jusque-là, même si je l'adore, mais. Ah, j'exagère, forcément. Ouais. Et on va passer à la meilleure chanson originale. Et Goustik va nous chanter toutes les chansons originales. Est-ce que tu es prêt? Oui. Alors, en nominé, on avait Earned It de 51 degrés. Vas-y, allez, c'est parti, c'est à toi. Attends, c'est quoi déjà le morceau? Je sais pas. Earned It, je ne connais pas le morceau. En fait. De alors, 51 degrés. Alors non. Bah, c'est des bruits de fouet, tout simplement. Ah non, non, je connais juste la chanson de The Weeknd. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait, il y avait une chanson de Weeknd. Voilà, ah ouais. Donc je vous inviterai de partir dans les aigus. Plus cher. Bon, en tout cas, on l'aura pas retenu. Et je pense que moi, ça me fait un peu mal au cul que 51 degrés et ce ne reste qu'une nomination aux Oscars. Vu la merde qu'est le film. Ouais, ils ont gagné au Razzie. Il a gagné au Razzie. Ouais, ils ont eu des Razzies, c'est vrai. Un peu partout d'ailleurs. Il y avait Mantaret de Racing Extension et je ne sais plus. On connaît aucun film qui est nominé à part. Ouais, je connais pas ce film, je l'ai pas vu, j'en ai pas entendu parler. Simple Song for de Free, excusez-moi, pas fort. De Youf. Ah si, il y a celle que tu vas dire après que oui. Et Till It Happens to You de The Hunting Ground. C'est la chanson de Lady Gaga qui parle du viol dans les universités. Elle a fait ça pour un documentaire en fait. Ah, c'est pour ça qu'il parlait de Lady Gaga dans Oui, et en fait, j'ai vu sa prestation et c'était vraiment une très très belle prestation, vraiment plein de sentiments. Elle était avec un piano et elle était entourée d'autres personnes qui ont été violées. Et il faut savoir que Lady Gaga a été violée à 19 ans, donc c'est vraiment un sujet qui la touche. Oh merde, d'accord. La chanson, les paroles sont vraiment. Mais je crois qu'elle a fait. Elle a chanté pendant les Oscars cette chanson justement. Et qu'il y a des gens mais qui étaient con, violés. Con quoi, je viens de te dire. Alors, vous êtes témoin. Oui, ce que je viens de dire. Oui, oui, oui. Tout va bien. C'est pas grave. Elle est pas montée avec des mecs. C'est ce que vient de dire il y a 5 secondes. Elle était avec un piano, il y avait des gens. C'est pas mal, Max, qui a eu un trophée là. Il y a eu un trophée mixage son, c'était pour Mad Max, je crois. Ah, d'ailleurs, on vient de me dire, je crois que c'était fait il y a 5 secondes, que Lady Gaga était sur scène. Les gens. Mon dieu. Non, tout va bien. Qui a gagné, c'est Writing on the Wall, et j'ai pas le nom de l'artiste. Si, c'est Sam Smith. Voilà. Ouais, Et d'ailleurs, c'est un des premiers personnes ouvertement gays qui gagne un Oscar de meilleure chanson. Ah ouais, ouais. Très bien. Bon, on s'en fout un peu, mais si tout le monde n'arrête pas de le dire. D'accord. Par contre, je. D'accord. Excusez-moi, putain, on dirait que c'est moi qui présente l'émission, je vais me calmer. Mais je mets un veto sur cette chanson parce que je la trouve exécrable. C'est une très mauvaise chanson de James Bond. Déjà, c'est James Bond, mais cette chanson est d'une nullité. affligeante. Quand tu vois la chanson d'Adèle qui rappelait vraiment les vieux James Bond avec ce côté, ouais, Skyfall était cool. Ce côté, voilà, c'était puissant. L'autre là, c'est, elle est, remarque, elle est à l'image du film. Ouais, l'image, enfin, ce que j'allais dire. J'ai rien dit. Ne dites rien. Ne dites rien. Non, mais je pense. C'est à l'image du film qui est pas. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Non. Enfin, moi, je l'ai bien aimé. Pourquoi je dis ça? Moi, je pense que. C'est quoi le film? Je pense que c'est dur de passer après Skyfall. Donc déjà avec une bande son. Déjà passer après GoldenEye ou Goldfever. Goldfever de Dania Ross, ouais. Ouais, je crois. Tu vois, passer après des gros titres comme ça ou même la chanson de Paul McCartney. Waiting on the Wall. Je sais pas, moi, ça fait penser à des mistros. Non, pas des mistros. Ouais, aussi. Mais c'est ça. Mais c'est ça, en fait, il l'a traduit. On écrit sur les murs. Ça, ça aurait été vachement mieux, James Bond, avec des mistros. Avec des mistros. Ah, c'est pas con. On va rester dans, dans la musique, puisque c'est meilleure musique de film. Et je vais vous dire direct de suite, parce que je pense que. Ouais, DiCaprio. Non, désolé, excusez-moi. C'est Ennio Morricone, et c'est la première fois que Ennio Morricone obtient un Oscar où il est tout simplement nominé aux Oscars. Mais je trouve ça bizarre, c'est tellement bizarre. C'est tellement un des mecs qui a révolutionné la musique de film. Oui, ouais. C'est surprenant. Ouais. Ah non, mais l'Estasi del Oro, c'est le morceau préféré. Alors, il y avait aussi John Williams qui était nominé pour Star Wars, Le Réveil de la Force. Ouais. Siscario qui était nominé aussi. Carole, que on n'a pas eu le temps de voir. J'aurais bien voulu voir avec. De Lanchette, et Le Pont des Espions de Thomas Newman. Et c'est vrai que la musique du Pont des Espions était pas mal. Alors écoute, je n'en ai aucun souvenir. Ouais, moi j'en ai un souvenir un peu. J'en ai un bon souvenir. Donc la musique de The Hateful Eight était géniale, donc il mérite. C'est un Oscar très très mérité. Alors, j'adore New Morricone, j'ai beaucoup aimé la musique, mais c'est pas une de ses meilleures parties. Bon, c'en est une bien. Enfin, moi je trouve. C'est, tu vois, encore une fois, c'est scandaleux que des gens de qualité. On sauve un prix que maintenant. Ouais. Bah comme ouais, je me tais. Voilà. Okay, voilà. Comme ce petit acteur là, tu sais, celui qui aime beaucoup les Captain Igloo. On va passer au meilleur maquillage et coiffure, et c'est Mad Max Fury Road qui a gagné. Oui. The Revenant et The Senior Old Man Who Climbed Into the Window and Disappeared. Ah mais bon, ça c'est un titre de film. C'est un titre avec un super accent. Donc avec Love Larson. Et Eva Barr. Ça, c'est les gens qui ont fait le maquillage. Ah, c'est les gens qui ont fait. Ah oui, oh, putain, mais c'est pas un film, hein, donc. Ensuite, du coup, bon, d'accord. Ensuite, on va passer au meilleur film documentaire. Donc, c'est le film. Sur Amy Winehouse qui a gagné. D'accord. D'accord. Et il y avait un truc sur l'Ukraine. Lady Gaga. Il était pas le documentaire sur Lady Gaga? Ah non, c'était dans les documentaires plus bas. J'ai rien dit. C'est pas grave. Le meilleur montage, c'est Mad Max Fury Road qui a gagné. Ok. C'était The Big Short qui était nominé, The Revenant, Spotlight et Star Wars The Revenge of the Force. Ok. Donc en fait, Star Wars, ils ont eu pas mal de prix. Cinq. Pas mal de nominations. Ouais. De nominations. De nominations. Après, les prix, ouais, c'est... Ouais. Oui, ils en ont pas eu. Alors, meilleur costume, on avait Carole, Cendrillon. Cendrillon était nominé. Oh. Ah, on ne dira pas ce qu'on pense de Cendrillon. Ah. J'ai pas voulu le voir, donc. J'ai pas vu. The Danish Girl, que je n'ai pas vu non plus, et The Revenant. Et c'est Mad Max Fury Road qui a eu les meilleurs costumes, et je pense que c'est mérité. Oui. Oui, largement, oui. Les costumes, ils sont tous à moitié à poil. La meilleure photographie, on avait Carole, The Hateful Eight, Mad Max Fury Road et Siscario qui étaient nominés. Et c'est The Revenant qui a obtenu le prix. Mérité, je ne sais pas, on n'a pas vu le film encore. Les meilleurs décors, il y avait Le Pont des Espions, The Danish Girl, Seul sur Mars et The Revenant qui étaient nominés, et c'est Mad Max Fury Road qui a gagné. Oui. C'était impressionnant, même si c'est du désert. Moi j'aurais peut-être mis Seul sur Mars et qu'il y avait un. T'as vraiment l'impression que c'était Mars et tout. Enfin, c'était assez... Il y avait du caca et des patates. Le meilleur film animé, on avait Anomalisa, Boy in the World. Boy in the World, c'est pas le film dont elle a parlé. L'homme et le monde. Non, le Garçon et le Monde, c'est pas le film dont a parlé Natacha sur le calendrier de l'Avent. Je crois que c'est ça. Natacha sur le calendrier de l'Avent, elle apparaît dans un jeu de société. Non, ça, c'était Alice. Alors je ne sais plus. C'était pas Le Roi et l'Oiseau, un truc dans le... Non, Le Roi et l'Oiseau, c'est... Mais non, c'était pas... C'est pas grave. Mais je crois que c'est possible. Hein, là... Oui, je crois que c'est ça, ça dont elle avait parlé. Shaun le Mouton et Souvenir de Marnie, et c'est Vice et Versa qui a gagné. Ouais. Et moi, je l'aurais... Ouais, Vice et Versa le mérite. Pas vu. Il faut le regarder. Voilà. Très bien. C'est chiant. Meilleur film étranger, Le Fils de Saul d'Hongrie, L'Empreinte du Serpent de Colombie, Mustang de France, Philippe de Jordanie, Ewar du Danemark, et je n'ai vu aucun de ces films, donc je ne pourrais pas vous dire si c'est mérité. Ouais, c'est sympa, mérité. C'est vraiment sympa. Tu les as tous vus ? Non, en fait, non, je fais style de m'intéresser, en fait. Tout à fait, oui. Oh oui. Alors, meilleur scénario original, on avait Le Pont des Espions, Ex Machina, Vice Versa et Stray Otago, Stray Otago, enfin Compton. Ouais. Le film sur Dr. Dre. Merci. Ouais, voilà, Dr. Dre. Mais non, c'est le nom de son groupe, c'est quoi déjà ? Le groupe de Dr. Dre. C'est NWA. NWA. et c'est Spotlight qui a eu le meilleur scénario original. Alors, tu c'est vois... un bon scénario quand même. Non, mais c'était une bonne enquête avec un sujet choquant. Mais je suis désolée, Ex Machina est tellement plus pertinent et intelligent que ouais, Spotlight. Ouais, c'est vrai. Tu vois, encore une fois, on en ah, parle. Ah, mais c'est, Ethan... c'est les frères Cohen qui sont au scénario de... du premier film. Ouais, mais en plus, je te l'ai dit quand on a vu le film. Ah oui, peut-être. Oui. Meilleur scénario adapté, on avait Brooklyn, Carole, Seul sur Mars et Room. Et c'est Big The Big Short qui l'a eu. Et moi, The Big Short, j'ai vraiment pas aimé, donc... Je l'ai pas vu, donc... J'ai pas vu non plus, donc là, comme ça... Alors, et après, pour meilleure actrice dans un second rôle, on a Jennifer Jason Leigh pour The Hateful Eight, Rooney Mara pour Carole, Rachel McAdams pour Spotlight, Kate Winslet pour Steve Jobs, et c'est Alicia Vikander qui l'a eu pour The Danish Girl. Et j'ai pas vu The Danish Girl, donc je pourrais pas vous dire si... Mais c'est marrant, dans les gens nominés, il n'y a pas vraiment... À part Jennifer Jason Leigh, il n'y a pas vraiment... Tu vois, pourtant, j'adore Kate Winslet et tout, mais c'était pas non plus... J'ai bon, Rachel McAdams, ça allait. Bah, c'était classique, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Quoi. Ouais. Enfin... C'est un peu à l'image du film, quoi. Ouais, c'est Spotlight, bizarre, il est classique, mais pas... C'est pas exceptionnel, quoi. Alors, pour meilleur acteur second rôle, on a Christian Bale pour The Big Short, Tom Hardy pour The Revenant, Mark Ruffalo pour Spotlight, et Sylvester Stallone pour Creed. Et c'est Mark Rylance pour Le Pont des Espions qu'il a eu, et je pense qu'il était mérité, il était bon... Le film était bien, mais c'était pas non plus exceptionnel. Moi, je trouve ça sympathique. Je sais pas, c'est oubliable sa prestation. Moi, je. Ouais. Voilà. Après, j'ai pas. Enfin, The Big Short. J'ai toujours pas vu Creed, mais. Ouais, faut qu'on voit Creed, on n'a pas eu le temps encore. Non, mais il y a aucun mauvais acteur là-dedans, mais. Tom Hardy, parce que Tom Hardy le mérite dans tous les films, il est exceptionnel. Pour meilleure actrice, alors, on a eu Kate Blanchett, Jennifer Lawrence, Charlotte Rampling et Saoirse Ronan. Et c'est Brie Larson qui l'a eu pour Room, et je n'ai pas, on n'a pas, il est pas sorti en France. Non, il n'est pas encore sorti chez nous, mais j'avoue que ce film me tente bien, quoi. C'est le sujet a l'air assez glauque, quoi. Ouais. Ce que j'ai compris, c'est une meuf qui s'est fait violer, qui a eu un gosse, qui est enfermée dans une pièce et qui fait évader son gosse pour qu'il trouve de l'aide, en fait, je sais pas quoi. Et la bande annonce était assez poignante déjà, donc je suis interloquée. On va passer aux meilleurs acteurs. Alors, il y avait Bryan Cranston pour Trumbo, Matt Damon pour Seul sur Mars, Michael Fassbender pour Steve Jobs, et celui qui a eu le Razzie Award cette année du meilleur acteur, Eddie Redmayne, du pire acteur, second rôle, je crois. Non, du pire acteur dans cette magnifique œuvre qui est Jupiter Ascending. Oui, mais il n'y avait qu'un second rôle. Ouais, enfin, bon, du pire enfin, méchant, si tu veux. C'est Eddie Redmayne pour The Danish Girl. Et c'est Leonardo DiCaprio qui l'a eu. Oui. Et c'est la fin de tous ces mêmes autour de Leonardo DiCaprio qui me casse les couilles. Bravo. Mais moi, je trouve ça dégueulasse pour lui. Parce que, comme je disais, ils ont fait tellement de merde avec les Oscars cette année. Et tu le vois avec les gens qui ont gagné. C'est tellement genre, on va donner aux gens... que le public attend ou sur des sujets que genre ça va faire bien de le donner histoire qu'on s'en prenne pas plein la gueule. Et du coup je n'ai pas vu, alors je vais pas me prononcer sur la prestation de DiCaprio, mais tu vois, pour moi il y aura toujours un doute de savoir si est-ce qu'il lui donne parce qu'il trouve qu'il l'a enfin mérité, ou est-ce qu'il le donne parce qu'il faut le donner pour pas se prendre du bashing. Pour ça, malheureusement, je pense qu'on saura jamais, en fait. Voilà, c'est complètement caché. Ça dégueulasse pour lui, parce que le pauvre, ça fait des années qu'il attend. Quand même, il a fait des prestations remarquées sur de nombreux films. C'est fou ce qu'il a fait. Et le donner à ce moment-là, ça anéantit tout le boulot. Parce que je doute Tout le battage, médiatique autour de DiCaprio de cet Oscar m'a un peu cassé les couilles. Mais parce que ça, c'est les studios. Je trouve ça tellement nul, quoi. C'est normal. Les trois quarts des gens, ils s'en battent les couilles des Oscars d'habitude, et là, tout le monde se met à. Excuse-moi, ça a été la même pour Jean Dujardin, pour The Artist. Hein. Il y a eu le même bashing. Pareil. Ah oui. Birdman aussi. Hein. Parce que aux États-Unis, c'est franchement, je crois pas que les gens qui gagnent, ils gagnent parce qu'ils le méritent. Hein. Oui, c'est parce que c'est ils payé. Ils gagnent hein. parce que t'as les Miramax, la Fox, hein, tout le monde, tout machin, qui payent, qui font leurs promos, qui font leurs machins. C'est pas les frères White Chain, ils sont super connus. Ah mais eux, c'est les pires. Payé. Oui, c'est les pires, c'est les pires. Okay. Et c'est pour ça que maintenant les Oscars, ça fait des années et des années que ça me passionne moins. Parce que je trouve ça dégueulasse pour les gens qui bossent, qui se font chier. Parce qu'au final, t'auras beau te faire chier, te démonter, enfin, faire sortir ta passion et tout, tu seras peut-être pas récompensé parce que t'as pas eu le bon studio derrière toi. Et c'est ce qu'il y a avec DiCaprio. C'est un mec, tu peux pas nier que c'est un très très bon acteur. Oui, oui, mais oui. Le gars, il a pas gagné. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il y avait quelque chose contre lui. Après, c'est quelqu'un qui est engagé, qui est tout ce que tu veux. Et ça, Hollywood, tu peux dire ce que tu veux, ils aiment pas ça. Hein. On va passer ça, au meilleur réal. Donc il y avait Adam McKay qui était nominé pour The Big Short, George Miller pour Mad Max, Lenny Abrahamson pour The Room, Tom McCarthy pour Spotlight, et c'est Iñárritu qui l'a eu pour The Revenant. Comme on n'a pas vu le film. Encore une fois. Enfin, je crois qu'il l'a eu aussi pour Birdman, je crois. Donc, Oui, il l'a eu pour Birdman. Birdman, c'était mérité. Moi, franchement, j'aurais préféré que ce soit George Miller quand même. Parce que ouais, mais c'est beaucoup trop bourrin pour le. Pour l'académie, à mon avis. Ouais, le pauvre. Bon. Non, je sais pas, moi. Enfin, après, j'ai pas vu The Revenant, mais c'est un film que je vais aller voir d'ici les prochains jours. Mais honnêtement, pour la symbolique et puis pour le retour de George Miller, j'aurais bien aimé que ça soit Miller pour le meilleur réalisateur. Honnêtement. Pareil. Ouais, ouais. J'ai le même avis que Goustique. Ouais. Moi, je trouve que ça aurait été une formidable victoire pour lui. Et voilà, un bon retour à ce cinéma sans effet trop numérique, avec des scènes travaillées, et voilà quoi, tu vois. Ouais, on est tous d'accord sur ce point-là. Ouais, mais bon, ouais. Ça lui a pas empêché qu'il a eu une dizaine d'Oscars, Mad Max, là. Donc, on passe au meilleur film. Donc, était nominé The Big Short, Le Pont des Espions, Brooklyn, que je n'ai pas encore vu. Ah, mais ah, si, il est sorti, Brooklyn. Il me semble. Enfin, Mad Max Fury Road, et Seul sur Mars, The Revenant et Room. Sur le Big Short, je pense qu'il le méritait pas. C'est pas un si bon film que ça. Et qui a gagné, c'est Spotlight. Et c'est un peu dommage parce que c'est un film un peu. Il est sympa, mais c'est vraiment trop classique. Mais quoi. En fait, ce qui heurte, c'est même pas la technique, le jeu, machin. C'est juste son sujet, c'est-à-dire la pédophilie dans la religion. C'est ça qui choque. Mais est-ce que ça mérite d'être élu meilleur film pour ça? Non, je pense pas. Ouais. Le sujet est intéressant, mais le sujet est plus intéressant que le film en soi. En fait. D'accord. Ouais. Bah, et tu vois, ça illustre parfaitement ce que je disais. Sur la liste, là, tu l'aurais donné à qui, toi? Moi, dans la liste. Sachant qu'on n'a pas vu The Room, enfin Room et The Revenant. Bah... Et Brooklyn non plus. Mad Max. Je pense que. Je pense que, quand même, The Revenant, ça a l'air d'être un film choc, d'après ce que j'ai lu au niveau des critiques. Donc je pense qu'il a peut-être ses chances. Après, dans la liste, c'est vrai que Mad Max était quand même très impressionnant. Ouais. Et c'est pareil, je l'aurais donné pour faire un peu la nique à tous ces pseudo-remakes, films pourris à base d'effets spéciaux et autres, tu vois, et voilà quoi. Tintin, c'est du gros bullshit. Pardon, excusez-moi. D'ailleurs, Gusty, comme t'as la parole, à qui tu l'aurais donné dans cette liste? George Miller, parce qu'il le mérite amplement, et ça prouve qu'à 70 balais, eh ben, on peut encore foutre un gros coup de pied au cul à ces prétentieux de Hollywood. Voilà. Et toi, Starfland, je pense que c'est pareil, non? Bah, même réponse, mais Mad Max, George Miller, je pense qu'il mérite amplement, parce que bon, enfin, un film qui se prend pas trop la tête, à être trop méta non plus, et qui fait les choses simples comme il faut. Bah, Spotlight, c'est pas un film qui se prend la tête, hein. Enfin, je sais pas si vous connaissez. En fait, c'est sur un groupe de journalistes qui découvrent que c'est à Boston. Ouais, à Boston. À Boston, en fait, il y a un cardinal catholique qui a caché le fait qu'il y a plus de 70 prêtres. Ils arrivent à 80 prêtres pédophiles dans le. Et en fait, ils cachaient les affaires et ils faisaient taire les gosses et tout, alors que les prêtres continuaient à violer des gosses. Tu vois, le sujet est chaud. Ouais, voilà. C'est... Non, le film est très bon. Le film est vraiment Non, enfin, le film est bon. Je trouve qu'au niveau de la réalisation, ça fait téléfilm. Oui, c'est classique, c'est très classique. Ça fait téléfilm, je suis désolée. Après, le casting est très bon. Michael Keaton, impeccable. Mark Ruffalo est génial. Et Mark Ruffalo, il a une coquetterie dans l'œil, ça me plaît tout le temps. C'est très bien, mais voilà quoi. Mais un Oscar, je ne suis pas vraiment. Mais bon, pour moi, ça serait Mad Max, clairement. Voilà. Mais tu vois, ça sent tellement les mecs, ils ont fait que des conneries. Voilà quoi. Oui, on a compris. On va écouter. Et pour finir sur les Oscars, je tenais à féliciter Chris Rock, qui a apparemment été génialissime pendant toute la cérémonie et qui a géré. Et qui est revenu un peu sur l'espèce de polémique autour du fait qu'il n'y avait aucun nominé de couleur afro-américaine ou afro-américaine. Même il n'y a pas de latino non plus, il n'y a que des blancs en fait. Oscar Isaac qui n'était pas nominé. Ah si, il n'y a que Oscar. Non, je crois pas. Il n'était même pas nominé Oscar Isaac. Non, il n'était pas nominé Oscar Isaac. C'est dégueulasse. Donc que des blancs. Un peu de whitewashing, on pourrait dire. Et en fait, il est revenu et il a dit un truc que je vais vous citer. J'ai essayé de le lire sans bafouiller. Que je trouvais très très juste. Il a dit c'est la 88e cérémonie des Oscars. Tout cela signifie que toute cette polémique a déjà apparu 71 fois dans l'histoire. Il n'y a eu aucun nommé noir en 62, en 63, et personne n'a rien dit parce que nous, les noirs, on avait d'autres préoccupations à l'époque. Quand votre grand-mère a été pendue à un arbre, c'est difficile de se préoccuper du meilleur court-métrage de documentaire. Pas mal. Et enfin, il y a plein de citations qui, franchement, j'ai trouvé qu'il était. Il faudrait que tu mettes le lien avec le podcast. Ouais, je vous mettrai le lien Combini si je le gardais. Vous allez sur combini.fr, vous trouverez l'article. Il y a vraiment plein de punchlines vraiment cool autour de cette cérémonie des Oscars qui était vraiment très bien menée. Et je crois Chris Rock revient un peu dans mon, même si j'avais un peu de mal avec lui, il revient un peu dans mon cœur. Je comprends pourquoi tu l'aimes pas. Bon, peut-être en film, des fois il fait pas des super choix, mais c'est un bon comique. J'ai jamais vu en fait de spectacle de stand-up de lui. Donc peut-être qu'il faudrait que tu devrais essayer de voir. Je devrais regarder. Ouais. Je crois qu'il y en a sur Netflix, donc j'irai peut-être faire un tour. Et on a fini un peu avec les Oscars. On va passer à d'autres news. Et on va passer vite, on va essayer de revenir vite parce que ça fait un moment qu'on est sur les news déjà. Alors, une petite news comme ça, J.K. Rowling va sortir un nouveau film, un nouveau livre autour de la saga Harry Potter, puisqu'elle va sortir en livre la pièce de théâtre qui va sortir dans pas trop longtemps. Ça va sortir cet été et ça va être, je crois, 19 ans après les Reliques de la Mort, et ça va être sur Albus Severus. Ça fait beaucoup rire, Faye. C'est Albus Severus, alors le fils de Harry Potter, qui a beaucoup de mal à gérer l'héritage de son père. Et donc ça va être autour de ça. Autour ça va devenir une carrière à son fils. Est-ce qu'il y aura des sabres laser? Non, tu vois. Je ne pense pas. D'accord, qu'il y aura des baguettes sabres laser. Des baguettes laser. Ah, pas mal, ouais. Bon, est-ce que vous lirez le nouveau livre d'Harry Potter? Moi, j'ai jamais lu les bouquins, mais s'ils en font un film, forcément, je le regarderai. Va les lire. Mais ça coûte de l'argent. Il faut lire. Tu prends un PDF, on s'en fout. D'accord, ça marche. Ok. Lisez les enfants. Mais j'attends toujours qu'elle fasse une préquelle en fait sur. Mais ouais, ce serait bien une préquelle. Mais pas sur les parents d'Harry Potter, je m'en branle. Mais sur la vie de Voldemort, parce qu'on a eu les flashbacks sur lui qui étaient hyper intéressants et qui ont été supprimés dans le film 6. Oui, film 6, je parle de toi, petit con. C'est un scandale et je veux quelque chose sur lui. Voilà. Mais il y a un film qui va sortir. Ouais, il y a un film sur les créatures fantastiques qui a pas l'air génial du tout. On sait pas trop ce que ça va donner. Eddie Redmayne. Il y a l'imitateur officiel du parrain dans une bande-annonce qui ressemble à Scooby-Doo. Il a ouvert le coffre magique. Même c'est Sakura aussi quand elle a ouvert le coffre. C'est vrai que c'est un peu ça. Attendons voir. Ça se trouve, ça va être une grosse surprise. Autant. Alors, on va enchaîner avec une news comics. Je ne sais pas si vous savez, mais avant, Panini éditait des livres de l'univers de Valiant, qui est un autre éditeur de comics américains. Vous n'avez pas que Marvel et DC. Oui. Et en fait, il y a un nouveau éditeur en France qui a repris tout l'univers Valiant. Donc, est-ce que tu peux me dire un peu des gros titres que... Parce que moi, je ne connais pas. Alors, je ne connais pas. Pour être sincère avec vous, j'ai lu aucun titre Valiant. Mais je me dis que vu que maintenant, il y a un nouvel éditeur qui va sortir en avril et qui va ressortir un peu les gros trucs de Valiant, dont The Valiant, le héros un peu éponyme de la série, donc qui va ressortir en avril, c'est Bliss Comics qui va ressortir ça, et c'est des titres de Jeff Lemire. Jeff Lemire, c'est un auteur qui est très très très fort, c'est un scénariste. Si vous n'avez pas encore lu Descenders, lisez Descenders. Je crois que c'est un de mes coups de cœur. Je vais en parler dans Comics Discovery, la nouvelle version qui va bientôt arriver, donc vous en saurez plus si vous suivez. T'es pas le seul. C'est un super. Il a fait aussi du Arrow, du Green Arrow, si vous avez lu Green Arrow année 1, par exemple. Donc, ils vont sortir ça avec Jeff Lemire et avec Paolo Rivera au dessin. Et il va aussi avoir son spin-off qui s'appelle Bloodshot Reborn. Donc c'est deux comics qui vont arriver. Ils seront en exclu à la PCE, pour les gens qui seront à la PCE. Pour 10 euros, vous pourrez acheter ces deux titres de Valiant sur le stand de Bliss Comics, où il y aura en invité Paolo Rivera. Oh, donc c'est pour les gens qui aiment le comics, qui ont envie de lire un peu de trucs indé pour changer des Big Two. Ça pourrait être cool, moi, je trouve. Ouais, carrément. Ouais, ouais bah, il faut voir. Et on passe à une autre news. Alors, c'est le reboot de la série Star Trek qui a trouvé un nouveau... Attends, mais la série Star Trek, ça va vraiment être un reboot. J'ai l'impression que c'était une nouvelle série Star Trek. Il n'y avait pas... Vraiment... Bah, moi, dans l'article que j'ai trouvé, c'était nommé le reboot. Donc, peut-être que c'est un reboot, je ne sais pas. Ça me casse les pieds. Donc, et ils ont trouvé un showrunner. C'est quelqu'un qui connaît bien l'univers de Star Trek, puisqu'il a commencé sur les séries Star Trek. C'est Brian Fuller qui était à l'origine de Pushing Daisies ou de Hannibal. Donc je sais pas si vous trouvez que c'est une bonne idée, une nouvelle série Star Trek. Bah moi j'aime bien Star Trek, donc je suis pas contre une nouvelle série, mais tu me dis reboot, alors là ça me plaît pas trop. Par contre tu me dis Brian Fuller et j'adore Pushing Daisies. Moi Hannibal, mais Pushing Daisies, voilà, j'adore cette série. Donc ouais, faut voir. Et je crois qu'il a beaucoup écrit sur Star Trek Genesis. Ouais. D'accord. Bon, j'aurais une question, est-ce que ça sera en lien, avec les films de J.J. Abrams ou pas du tout? Bonne question. Je sais pas. Peut-être que c'est pour ça qu'ils appellent ça un reboot, ce sera en lien avec les films d'Abrams. Ça serait plus judicieux de faire ça comme ça, parce que s'ils repartent encore. C'est pas logique. J'y avais pas pensé, mais c'est pas quoi. Tu vois, Monsieur Starflord a levé un point intéressant. Ouais. On va écrire de suite à Monsieur Fuller. Donc si vous le savez, envoyez-nous des mails à bienaushow@gmail.com, vous pouvez nous dire. Wow, on a une adresse mail. On a une adresse mail, c'est fou. Oh, la technologie. On va passer à une autre news. Moi, j'aime pas trop Star Trek, mais pourquoi pas, on verra bien. Mm-hmm. Alors, est-ce que l'univers partagé d'Universal, ça vous dit quelque chose? Oui. Ouais. Oui. Oui. Alors, c'est l'univers autour des monstres classiques. Donc, vous avez eu Dracula Untold. Ouais. Et il y avait, c'est pas Frankenstein, ça en fait pas partie, je crois. Il me semblait, je l'avais noté, que ça faisait partie, je crois que le premier c'est Dracula Untold, et en fait c'est l'univers partagé de Universal qui a enfin trouvé son homme invisible, et c'est Johnny Depp qui va jouer l'homme invisible dans ce film. Il devait pas faire la momie récemment, j'ai vu. Non, c'est Tom Cruise qui fait la momie, enfin c'est Tom Cruise qui c'est une vanne. Universal veut foirer son univers étendu, mais c'est pas Tom Cruise qui joue la momie, il va jouer une espèce d'aventurier. Ah oui, il fait la mocap, le perso principal, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Non, mais, alors déjà Dracula, j'aime beaucoup Luke Evans. Merci, j'aurais pu son prénom. J'aime bien cet acteur, mais le film n'était pas terrible. Il y avait des bonnes idées. Oui, mais voilà. Énormément. Le film de était longueur. Vraiment pas génial. Non, mais il y avait énormément. Ah, j'avais bien aimé, moi, mine de rien. Bon, après c'était beaucoup trop bourrin. Hein. C'était un film plus d'action qu'autre chose. Hein. Ça c'est. Ah bah tu vois, l'action, je l'ai pas trouvé. Enfin, il n'y avait pas assez d'action pour moi. D'accord. Je me suis ennuyée. Mais il y avait quelques bonnes idées dans les déplacements de Dracula, dans la légende, enfin voilà. Mais c'était pas super. Mais du coup, là, tu vois, je suis pas très convaincue par un homme invisible. Bah, voilà. Pourquoi pas. On verra. Alors là, vous allez voir à quel point mes news ne sont pas fraîches du tout, et elles ont été préparées il y a 30 ans, puisqu'on a remporté 40 000 fois le tournage de ce podcast. On est passé à la TNT. Non, là je passais au trailer qu'on a vu pendant le Super Bowl, donc c'était il y a au moins... Putain, bah vas-y, on s'en fout. On va y passer juste vite fait. Vas-y. On joue en mode quick and dirty. Oui. Donc le trailer de Jason Bourne, de Paul Greengrass encore, avec Matt Damon. Mm-hmm. J'en ai beaucoup, hein. Vous l'avez vu? Est-ce que quelqu'un l'a vu? Je l'ai vu. Les premiers, ouais. Qu'est-ce que ça vous a donné envie ou pas? Non. Ouais. Parce que moi, j'ai l'impression que ça a dû réchauffer et ça joue sur la tendance des remakes, des reboots. Mmh. Voilà. Donc, Mais non, c'est pas un reboot, c'est une suite. Ouais, enfin voilà. Mais bah, après. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire? Ah non, il est pas nécessaire du tout. Le dernier, Matt Damon, ça marquait. Je veux dire, les trois films, même les deux premiers films, suffisaient amplement, je trouvais. Une trilogie sur Jason Bourne, ça suffit amplement. Après, ils ont voulu faire un autre Jason Bourne avec Jeremy Renner. Bon, c'est dur de passer après Matt Damon. J'ai mangé McDo pendant la séance et j'avais faim. Mais là, je sais pas. Soit okay, c'est... Moi, le trailer m'a plutôt donné envie. J'ai trouvé tout. Et puis Paul Greengrass qui revient sur la saga. Pourquoi pas? Ouais, mais il y a moins l'effet de surprise, parce qu'au début, on avait l'effet de surprise Matt Damon, parce qu'on se disait, oh, ce mec, il peut pas du tout jouer ce genre de rôle, et puis il avait plus. Oui. Je peux te dire mon avis? Oui, oui. On a dit qu'on passait vite, c'est pour ça oui, que... Oui, mais je... c'était pour dire vite fait que moi, je t'ai pas convaincu parce qu'il y avait plus cet effet de surprise. Alors, le trailer de Captain America Civil War, le dernier, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous donne envie ou est-ce que ça vous a pas donné envie? Oh oui. Ouais, alors, j'ai pas regardé, ouais. Mais j'en ai rien à branler. D'accord. Ouais. J'en ai un peu marre. J'en peux plus. Honnêtement, j'ai la demi-molle parce que j'ai peur que ça soit une grosse comédie. Moi, ce j'attends film. Juste Spider-Man, en fait. Je veux juste voir Spider-Man. J'aurais vu Spider-Man, je serais content. Moi, je veux tout voir. Moi, je veux juste voir. Je veux juste voir Batman et Superman qui se tatanent la gueule et ça fera bien plaisir à Marvel, quoi. Donc voilà. C'est tout. On va passer à 10 Cloverfield Lane. Oh, oui. Avec John Goodman et John Gallagher. Et Marie-Elisabeth Winstead dedans. Et, voilà, et qui a l'air vraiment très très cool. Oui, j'adore cette actrice. J'adore cette actrice. Et le trailer était très très sympa. Ah, mais j'ai un amour de Cloverfield du premier, mais c'était vraiment, tu vois, la surprise. En plus, il y avait plein d'easter eggs sur Lost, j'étais à fond. Et là, cette suite, ça faisait des années que j'attendais. Et putain, enfin, elle est là, quoi. Comme ça, tiens, moi, c'est marrant, j'ai un amour pour Marie-Elisabeth Winstead. Pourquoi elle a joué dans quoi? Scott Pilgrim. Ben, elle était dans Scott Pilgrim. Ah oui, c'est ah vrai. Oui. Oh, et Boulevard de la Mort. Elle était dans le très mauvais préquel de La Chose. Oui, ah, et dans Boulevard de la Mort aussi. Oui, c'est vrai. Et on va passer avec le pour moi le meilleur trailer et franchement j'y croyais pas le ouais. Meilleur trailer de tout le Super Bowl, c'était Teenage Mutant Ninja Turtle Out of the Shadow ouais. Et franchement le trailer donne grave envie pour les fans de la vieille série puisqu'on retrouve du Bebop, du Rocksteady, on exactement. Voit Krang. Franchement, on voit ce côté nostalgique. Il y a Stéphane Hamel aussi. En plus, il fait le perso que j'aime bien. Il fait Casey Jones, ouais. Donc, même si j'ai très peur, parce que le premier film était une vraie. Faut être d'accord. Le film, le premier Teenage Mutant Ninja Turtle était nul à chier. Non. Là. Non. Non, là, ah non, ah non, non, mais. Le gros souci du film, c'est que bon, il y avait pas mal d'incohérences. C'est que le scénario, il tient pas la route. Il y a ça, il y avait le placement de produit aussi, un petit peu trop flagrant. Hein. Mais ouais, à part le scénario, c'est un peu du déjà vu, c'est un peu Spider-Man 2 en fait. Hein. On va dire ça comme ça. Vas-y, tu veux t'exprimer, exprime-toi. Oui. Pourquoi encore une femme crétine? Oui, bon. C'est non, c'est juste pourquoi Megan Fox? Parce que aussi, honnêtement, Aprinoline, j'aurais pas pensé à Megan Fox. Hein. J'aurais pensé à. Je sais pas. J'avoue. Bon, je vais pas relancer encore mon énième argument, qui est toujours le même, mais bon. Avec. Elle a la photo des Tortues Ninja. Elle se fait virer parce qu'elle a pas de preuve. Alors qu'elle a la photo. Elle a la preuve dans sa poche, mais ne la montre pas. Mais je te signale que quand elle a pris la photo, si tu regardes bien, c'est pas les tortues qu'elle regarde, c'est une photo d'elle qu'elle a prise. Hein. Oui. D'ailleurs, ça m'avait fait rire pendant le film, je me suis dit, mais elle est trop conne. Mais non, elle a pas le truc du bon côté. Je t'ai montré la capture d'écran à l'époque. Je suis pas d'accord. Enfin, pas grave. Regardez la série, ça vaut mieux. Mais regardez le film des années 80. On va enchaîner avec. D'ailleurs, il est passé sur Gulli, je crois, hier. Ouais. Avec Independence Day Résurgence. Je pense que ce film est plus que dispensable. Oh, j'ai envie de le voir rien que pour rire. Il y a avec Bill Pullman qui revient, ouais. Jack Blue. Checkmate. Et Charlotte Gainsbourg qui vient cachetonner, je ne sais pas mais pourquoi. Mais qu'est-ce qu'elle fout là-dedans? Ouais, elle va chanter peut-être. Ah, les problèmes de pépettes, hein, tu vois. Les impôts, tout ça, tu vois. Tu parais combien qu'elle va faire la présidente de la France et genre elle va attendre que l'Erika vienne dire comment tuer les aliens. Elle va jouer Carla Bruni en fait, parce que ça se passe au moment du mandat de Nicolas Sarkozy. Oh. le truc what the fuck. Serait-ce possible alors? Bon, on va passer sur X-Men Apocalypse qui me fait très. Très très très très peur. Non. Et il y a un truc qui m'a énervé, c'est le whitewashing vraiment dans ce film. Bon, ça va être encore pire dans un film après, mais pourquoi Psylocke est blanche? Bah parce qu'elle est blanche. Mais non, c'est une asiatique Psylocke. Et pourquoi Nick Fury il est noir? Et pourquoi la torche humaine dans 4 Fantastiques Nick il est noir? Nick Fury il a pas été changé par l'univers Marvel. Et pourquoi Apocalypse? C'est de Ultimate, il était changé avant les films. Et pourquoi Kick-Ass il est blond alors qu'il est brun? Donc, d'abord. Je sais pas. Ouais. Enfin, moi, je suis désolé, hein, mais ce genre de personne, bon, moi je t'aime beaucoup, James, mais ces chipoteurs qui sans cesse trouvent le détail pour dire que ce film est mauvais, bah je trouve qu'ils sont pas ouverts d'esprit. Donc, mais c'est pas, voilà. C'est pas un truc de. T'as un perso qui est censé être une samouraï, une ninja. Comment énerver James, enfin, j'adore. Je sais pas, c'est... Allez, enchaîne. C'est un perso... Enfin, allez, je t'énerve. Ce film se fait en plus avec le méchant qui ressemble à un méchant des Power Rangers. Mais après, c'est que des bandes annonces, ça se trouve, les effets spéciaux sont pas finis. Non, mais oui, on l'espère, on l'espère. On l'espère. De toute façon, moi, je chie sur Bryan Singer le plus possible. Oui, mais ça n'a pas t'empêcher d'aller... Ça va pas t'empêcher d'aller voir parce que tu aimes bien X-Men. Oui, j'irai le voir. J'irai. Voilà, allez. J'ai pensé le livre de la jungle de Jon Favreau. Ah, moi j'ai alors, peur. Quand tu regardes cette bande-annonce, sans qu'on te dise le nom du film, mais t'as l'impression que c'est un truc d'horreur, un thriller de malade et tout. C'est vrai que ça fait un peu peur. Et à la fin, tu vois le livre de la jungle. Tu vois, c'est waouh. Ah ouais, je m'y attendais pas, tu vois. Oui, j'ai interdit Faye d'aller le voir puisqu'il y a des grosses scènes avec un qu'elle aime pas. Donc un certain... Ah oui, avec K, oui. Oui, je peux pas non plus. Hein. De toute façon, je regarde pas. Qui est interprété, je crois, par Scarlett Johansson. D'accord. Donc moi, je dis pourquoi pas, j'irai le voir tout seul. J'sais on va pas, passer par un autre. Là, le whitewashing est vraiment à son paroxysme avec God of Egypt. Avec ça. Avec God of Egypt, où tous les comment tous God of Egypt? God of Egypt, où tous les dieux égyptiens, j'ai bien dit égyptiens, sont joués par des gens bien blancs comme Gerard Butler. Ou Jimmy Lannister de Game of Thrones. Mais... Un film qui fait très très très peur. Ce qui dérange le plus, moi, c'est les effets spéciaux. Oui, les effets spéciaux qui font très peur aussi. On dirait que le film, il a 10 ans, quoi. Non, mais Alex Proyas, faut qu'il arrête de faire du cinéma, tout simplement. Non, mais est-ce que c'est... Dis-moi, est-ce que c'est bien lui qui avait fait ce film risible avec Nicolas Cage? On va aller tout de suite sur notre ami Google. Vérification. Placement de produit Google. Non, mais cette émission là, ce truc où ils apprenaient à la fin du monde là. Alors, Alex Proyas. Ah, prédiction. D'ailleurs, il est ce soir sur. Oh bah, putain, si vous voulez. Oui, c'est lui qui a fait prédiction. C'est lui qui a fait iRobot aussi. Oh mon dieu. Et Dark City était vraiment. Alors, non, alors je suis pas d'accord. Son seul bon film. Ah, il a fait The Crow aussi. Ouais. Alors, The Crow et Dark City sont bien. Moi, j'aime pas Dark City. Ah, The Crow. Mais, prédiction. The Crow, il est bien. Il est risible. iRobot, il est regardable. Alors, moi, j'ai. Alors, écoute, je moi, j'ai bien aimé iRobot. Il est bien. À vouloir voir ce film. Mais à chaque fois, je m'endors au milieu. J'arrive pas à aller à la fin. C'est un des seuls films de Will Smith que j'avais fait un peu. Il y a Men in Black quand même. Mais j'arrive pas à le voir en entier. Ah non, Men in Black. Oh, il est rigolo, le premier Men in Black. Ah, le premier, oui. Le 2, oui. Et puis Independence 2, c'est rigolo. Et on va finir avec le. Je passe, hein, parce que. Ouais. On s'en branle en fait. Avec The Secret Life of Pet, donc le nouveau film de le dessin animé là, qu'on avait vu là. Ouais, donc le nouveau film des gens qui ont fait Les Mignons et Moi Moche Méchant. Oh, donc pourquoi pas, ça peut être parent. Il y a, en plus, il y a du. Dans le trailer, il y a du System of a Down qui est un de mes groupes préférés. Celui-là, je veux le voir. Pourquoi pas. Oui, c'est ça, c'est que font les animaux quand il n'y a pas leur. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être cool. Rigolo, ça peut être cool. On est des grands fans, on adore Les Mignons, même si tout le monde chie sur. c'est marrant. Ça détend les mignons. C'est rigolo, vrai. C'est rigolo. Faut pas chercher plus loin. Par contre, il faut pas faire trop de mignons non plus. Trop de mignons tue les mignons. Bah, y'en a trop. Je sens qu'il va y avoir une trilogie, tu vas voir. Donc, Bah, là, tu vois, c'est pas bon. Ouais. Eh oui. Alors, je pense que c'est la meilleure news de toutes mes news. Fais rêver. Attention, êtes-vous prêts? Fais rêver. DiCaprio. Non. Attends. Whitewashing. Elizabeth Banks qui va jouer Rita Repulsa dans le nouveau film Power Rangers. Ah bah c'est du whitewashing parce qu'elle est pas asiatique. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que j'avais dit? Whitewashing. Oh yeah. Sérieusement. Mais Rita Repulsa, est-ce que vous vous souvenez de Rita Repulsa? C'est la folle. Oui, malheureusement. C'est la oui. folle avec espèce de corne géante. C'est l'espèce de maléfique là. Ouais, je vois ouais. que c'est. Oui. Et c'est Elizabeth Banks donc, qui jouait dans Hunger Games. Games. Mais moi je l'aime bien. Ouais, moi aussi. Elle était dans Scrubs. Why not, hein. Pourquoi pas? Moi, le film Power Rangers, j'ai envie de le voir, je sais pas pourquoi. Je sais pas, j'ai de la sympathie. Ça va être nul ou ça va être drôle? Ça va être comme Jojo, je pense, hein. Un truc facile à regarder, bien bourrin, mais ouais, après, on n'en sait rien. C'est... Avec une super musique. D'ailleurs, il y a un petit court-métrage qui était fait sur YouTube. Oui, il était pas mal, c'est vrai. Et qui est ultra réaliste et qui est vraiment pas mal, franchement. Ouais. À regarder. C'est vrai. Donc, une autre, c'est Netflix qui a trouvé son Iron Fist avec Finn Jones, celui qui faisait Laura Tyrell dans Game of Thrones. Ah oui. Il a joué le rôle de Daniel Rand dans la série Power Man and Iron Fist. Et ça peut être super cool parce que le Power Man, enfin Luke Cage dans putain, merde. Jessica Jones était vraiment cool. Et, oui. et je pense que c'est une bonne idée de partir dans et tous les héros street de Marvel sont une bonne idée. Moi, je pense que entre Daredevil, Jessica Jones et ça va être vraiment cool. Là, franchement, il y a que du sans faute, j'ai l'impression. Que ce soit au choix des acteurs, à la réalisation, pour le moment, je trouve qu'il y a que du sans faute. Et là, c'est un très très bon choix. Bon, on aime bien, on a, enfin, Daredevil est mieux que Jessica Jones quand même. C'est pas le même registre. C'est pas pareil. J'aime bien, mais ça m'a pas non plus transcendé. À part une scène en particulier dans oui, c'est Daredevil. Vrai. Mais, on va pas trop. On va, dire. On va passer vite parce qu'on en reparlera plus tard. Qu'on en parlera plus tard. Donc là, c'est une news un peu qui va faire hurler Faye à côté de moi. C'est Sarah Michelle Gellar qui reprend son rôle dans Cruelle Attention, la série télé de NBC. Donc je vais la laisser crier pendant 10 minutes et puis après on pourra reprendre la parole. Posez vos casques. C'est parti. Non, j'ai pas fait. Non, mais je suis déçue parce que déjà, quel est l'intérêt d'adapter le ah oui, film ça fait mal aux oreilles, une série qui est déjà tais-toi merci qui est déjà une modernisation du livre Les Liaisons Dangereuses, et la fin du bouquin se termine de telle façon que pour moi c'est pas possible qu'il y ait une suite, et je ne vois pas le personnage que qu'incarnait Sarah revenir. Ça n'a pas d'intérêt du tout, puisqu'elle est complètement défaite, elle est pourrie, elle est rejetée, quoi, en gros. Et puis pour Sarah, quoi, ça fait un moment qu'on a envie qu'elle revienne dans des bons rôles et tout. Et pourquoi est-ce qu'on lui propose que ça? Moi, je serais toi, vire ton agent, fous un coup de pied au cul au directeur de casting qui te cantonne que dans Buffy, que dans les trucs que t'as déjà fait. Et vas-y, ma cocotte, t'es une femme d'affaires, t'es une femme puissante, remue-toi. Elle vaut tellement mieux que ça, quoi, non, quoi. Pourtant, j'adore Cruelle Intention, mais merde, Sarah, bouge-toi le cul. Voilà. Et est-ce que Salma Blair va revenir aussi? Non, parce qu'ils ne lui ont pas demandé. Ils ont demandé qu'à elle. D'accord. Moi, Salma Blair, elle me dégoûte, je sais pas pourquoi. Plus cher. Alors, au début, je m'étais dit, attends, ouais, je vais. Ils ont un avis. Est-ce que vous avez un avis sur Cruelle Intention et Sarah Michelle Gellar? Aucun. Aucun. Attends, ça vient d'un film, ça, Cruelle Intention. Oui. Moi, je me souviens. En français, il s'appelle Sex Intention, le film. Je me souviens juste juste de la bande-son de Craig Armstrong, c'est tout, mais après. Mais l'album, alors, la BO de ce film, elle est excellente. Mmh. Allez l'écouter. Regardez le film, faites-vous des bisous. C'est mieux que l'interprétation de Sarah Michelle Gellar, donc voilà. Mais voilà. Oh, quel enculé. Je n'aime pas. Je suis désolé. Je n'aime pas Sarah Michelle Gellar, donc voilà. Quoi, c'est voilà. Attends, je te parle plus. Nous, bon, on va continuer ce podcast sans. Moi, j'aime beaucoup Scooby-Doo, et quand je l'ai vu dans Scooby-Doo, ben, j'ai pleuré quand j'étais petit parce qu'il y avait Sarah Michelle Gellar et j'aime pas. T'es fou, Scooby-Doo, c'est dans tes crises. Bon, ouais, si ouais, on bon. Veut d'avoir fait ça avec son mari, ils sont tarés. Si tu la retiens que pour ce rôle. Par contre, alors, si vous regardez la série Star Wars Rebelle, elle fait une voix donc en VO d'une méchante et elle est très très bien. Bon, ben, je vais arrêter de regarder cette série. Hein. Okay. Non, c'est vraiment bien. Il l'a rayé de sa liste. Et son mari, allez, aussi hop, bloc-note. Voilà, c'est fond. Alors, c'est ma seule. À la base, je me suis dit, ouais, je vais faire plein de news, jeux vidéo et tout. Et au final, j'en ai qu'une. C'est pas grave. Hein. Alors, c'est Capcom qui va ressortir Resident Evil 4, 5 et 6 sur PS4 pour 20€. Et donc, Xbox aussi. Et sur Xbox aussi. Mais comme on s'en fout, on est des utilisateurs de PS4. Bah oui, mais pense aux gens qui nous écoutent. Bah oui, quand même. Mais oui. comme apparemment Capcom, c'est des cons. Faut dire les mots. Ils les sortent, mais dans le sens inverse. Donc, on aura le 6. Le 29 mars, le 5 cet été et le 4 en automne. Bah, c'est normal, le 6 il était très pourri, le 5 il était pourri, et le 4, bah, voilà, c'est le seul qui est bon. Donc forcément ils gardent le meilleur pour la fin, ils sont pas contents. Ouais, moi je pense que je prendrais que le 4. Ah, je prendrais le 4 et le 5, parce que le 5 j'ai plutôt bien aimé. Ah, le 5 c'est du. Ah, on le prendra comme ça, je pourrais jouer avec Goustic en ligne. Moi je ferais quand même le 6 parce que je l'ai pas fait, même s'il est très mauvais. Et juste pour le mode coop, ça m'a l'air pas mal, mais c'est tout. Mais attends, est-ce que c'est 20€ chacun ou 20€? C'est 20€ chacun. Chacun, oui, heureusement. Ah, ça va, ouais. Maintenant ils vont sortir en démat. Bah, ils feront des promos dessus. Ils feront un jour à 2 francs et puis voilà. Et j'ai fini mes news, bon c'était un peu long. Oui. La prochaine fois ce sera plus court. Ah bah non, la prochaine fois ce sera encore plus long puisqu'on sera deux à les faire. Parce que normalement Bilou devait les faire avec moi. Mais là il y avait les Oscars aussi, donc c'est pour ça. Ouais, oui, les Oscars, ça prend. Surtout les Oscars. Puis il y avait DiCaprio aussi. Hein, donc. Aussi. Ah là là. Bon bah comment voulez-vous qu'on tourne au niveau du bon, on va finir avec Goustic puisque c'est ça va être le plus long à mon avis. Oh, plus ou moins. On peut commencer avec Starflord, enchaîner avec notre ami Faye qui va nous casser les oreilles avec le féminisme pendant 20 minutes. Oh, direct. C'est pas vrai, je vous parlais de bonnes choses. Alors si elle va vous saouler avec le féminisme, moi je vais vous saouler avec un chef-d'œuvre. Avec la semaine. Avec la semaine. Donc c'est bon, je commence. Bon, allez, vas-y. C'est parti. Alors déjà, est-ce que vous savez ce que c'est que la semaine? Oui. À part le fait que ce soit une bande dessinée, hein. Est-ce que vous savez vraiment ce que c'est? Alors une bande dessinée, c'est un livre qu'on ouvre. Il y a des images dedans et du texte. Non, sans déconner. Alors, bah, du coup, oui, c'est une bande dessinée hein, qui est scénarisée par Balak, connu pour être storyboarder, notamment pour avoir aussi bossé chez Marvel. Hein, donc voilà, c'est pas rien. Et c'est tous des Français. Hein. Bastien Vives aussi, mais qui est aussi à la scénarisation, mais aussi au dessin, connu pour avoir fait de nombreuses bandes dessinées et des romans, dont Paulina, qui est l'un de ses plus grands succès. Inspiré d'une danseuse, et au dessin, on retrouve Michael Sandlaville, qui est un petit nouveau aussi dans le dessin, mais quand même assez connu, puisqu'il a bossé un peu à droite et à gauche, mais il a quand même fait du très bon taf. C'est sorti depuis mars 2013, on est actuellement à 8 tomes, il y en a 12 qui sont prévus. Il faut savoir que en 2015, il a eu le prix de la série au 42e Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême, donc c'est pas rien quand même. Hein, c'était un vrai prix ouais. C'était un vrai prix. D'accord, ok. C'est vrai pour... Juste toute petite aparté, je t'en reviens. Mais, oui. Apparemment, j'ai entendu que les éditeurs et pas mal d'auteurs pensaient maintenant à boycotter Angoulême l'an prochain. Eh ben, j'espère que ça se fera parce que, oui, on va en parler pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'il y a eu une fausse remise de prix qui a été faite avant. Et franchement, qui c'est qui a eu cette idée? Parce que Il y a surtout le fait qu'il n'y avait aucune femme nominé dans tiens tout le... tu vois il y a du femme bashing là après le white bashing des women bashing ouais il y en a hein, du man bashing du coup ah il faut le dire hein. bashing tout le monde j'en ai rien à foutre c'est dégueulasse mais bon j'avoue que là pour Angoulême ils ont fait vraiment on peut le dire de la merde hein, avec ce fausse remise de prix et pour le coup là je me suis dit que enfin Lastman a un prix, parce que ça fait depuis 2013 qu'il existe, et que ça commence à prendre de l'ampleur, et j'ai envie de dire tant mieux. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est vraiment une œuvre qui, déjà de base, va être cross-média, il va y avoir un jeu vidéo, une série animée, prévue pour avril-mai 2015, sachant que la série sera une... 2016. 2016, pardon. Non, 2016, mec. Désolé, 2016. C'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, la série sera une préquelle à la bande dessinée, et le jeu vidéo sera en fait un énorme clin d'œil à la bande dessinée, puisqu'à un moment donné, dans la bande dessinée, on voit une borne arcade avec le nom du jeu qui s'appelle Last Fight, et on voit notamment le personnage principal qui est dans le jeu, avec tous les personnages concurrents. C'est plutôt marrant. Mais du coup, qu'est-ce que ça parle, Lastman? De quoi ça parle? Vous commencez dans un univers fantasy avec... ce côté très campagnard, très français, mais qui met beaucoup en avant la magie et les arts martiaux. Donc il y a une école d'arts martiaux qui fait un tournoi chaque année pour élire le meilleur combattant et qui gagne le trophée de la Vallée des Rois. Donc en gros, le lieu se nomme la Vallée des Rois. Un endroit très, très beau, très enchanteur, mais tu sens que les gars sont limite proches de la secte. C'est-à-dire qu'ils sont là pour faire des choses pas très catholiques, tout ça, mais tu n'en sauras que plus tard, mais au début, tu as quand même des doutes. Et un personnage plutôt jeune qui s'appelle Adrian, qui vit avec sa mère, qui est boulangère. Lui, tout ce qu'il veut, c'est participer au tournoi, être fort et donner un intérêt à la communauté. Et au moment où il va partir pour le tournoi qui se passe en duo, son collègue est malade à cause de la raclette. Et oui, il a mangé une raclette, du coup il est malade, et il va pas pouvoir faire son tournoi, parce que ben son pote... Ah, mais c'est vraiment à cause d'une raclette ? Vraiment ouais, à cause d'une... C'est vraiment à cause d'une raclette. Quel audacieux, c'est vraiment audacieux ce truc, jamais j'aurais pensé. Ouais, non mais vraiment. Du coup, son tournoi saboté, il s'était préparé pendant des années, et il se sent très mal, et là, tout d'un coup, il y a un personnage mystérieux, avec un look assez différent, qui est très imposant, qui est le symbole de la virilité, et qui se nomme Richard Aldana, un gars qui fume des clopes. Il s'avère que les clopes n'existent pas dans leur monde actuel. Il a un langage très familier, hein, il n'hésite pas à te faire des injures que les autres ne savent pas ce que c'est. Un personnage vraiment dont on ne sait pas d'où il sort, d'où il débarque. C'est un étranger, attention. Et il s'avère que ce personnage-là n'a aucune réelle connaissance de la magie. Il n'est pas adapté au milieu dans lequel il se trouve. Mais son seul but à lui, c'est de remporter ce tournoi pour gagner ce prix pour... un objectif dont on ne saura qu'à partir du tome 3, et je ne spoilerai pas parce qu'il y a un retournement de situation assez dantesque, qui fait que on va voir que finalement ce tournoi n'est qu'une vaste blague et que un autre monde existe par rapport à celui qu'on nous a présenté. Et Richard va donc devoir faire une alliance avec ce gamin, Adrian, pour faire ce tournoi. Donc un duo improbable, un gosse qui maîtrise la magie et qui est donc extrêmement naïf et qui va devoir s'allier avec un père spirituel, on va dire ça comme ça, enfin un père de substitution, Voilà, merci. Et du coup, Richard, qui lui est complètement inadapté, mais qui semble maîtriser la boxe, qui est un personnage extrêmement puissant de manière physique, et qui est tout aussi rapide, et qui ne maîtrise aucun art martial noble, digne, et qui mérite d'être mis en avant. Bref, c'est un personnage très brut, très caricatural, mais qui possède tout son charme, et c'est ça qui en fait qu'on... le personnage principal. Et du coup, je vais en gros... donner un point culminant sur le scénario pour vous dire en quoi c'est intéressant, parce que vous allez me dire « Ah, mais c'est un tournoi, etc. » Donc ça fait un peu Dragon Ball, etc. Finalement, oui, le tournoi se conclut au deuxième tome, et il se passe que, parmi les trois personnages, je vais pas vous dire lequel c'est, entre Richard, Adrian et la mère d'Adrian, un des trois personnages disparaît sans aucune raison, et on part à sa recherche, et c'est là où on voit que les auteurs se sont dit « On va tout faire dans cette série !» Vous avez vu de la fantasy ? Eh ben, on va mettre de la science-fiction, on va mettre du post-apo, on va mettre du steampunk, on va mettre du thriller, du film noir, on va traiter tous les sujets qui nous passent par la tête et auxquels on a vraiment envie de dire quelque chose, que ce soit la drogue, que ce soit la prostitution, que ce soit l'inégalité, la célébrité, tous les sujets qui ont beaucoup de controverses sont parlés, sont mis en avant, sont découpés à la hachette pour vraiment te mettre dans un univers qui est vraiment riche et unique. Et tu te dis, ah ouais, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça avant ? En fait, c'est... Pour le moment, je sais pas si vous êtes un peu perdu par rapport à ce que je dis, hein, soyons honnêtes. Ça va pour le moment. Mais en fait, cette série, enfin, cette bande dessinée, arrive vraiment à attaquer tous les sujets qu'on connaît dans la pop culture. C'est-à-dire que vraiment, on s'intéresse à plusieurs types d'univers, à plusieurs messages qu'on essaie de faire passer et tout, mais avec de la baston, avec de la bonne virilité qu'on aime. Après, c'est très inspiré shonen, hein, faut le dire aussi, dans son découpage, dans sa mise en scène et dans ses personnages, c'est très shonen. C'est-à-dire t'as un personnage qui va s'améliorer au fur et à mesure, mais tu sens que finalement, même si le personnage va s'améliorer, ça ne servira à rien, parce qu'il y a des conséquences, il y a tout un événement, un acheminement, il y a... Comme je disais, ça parlait de sectes, et ça parle aussi d'organisations ultra secrètes, d'espionnage. Vraiment, cette série parle de tout et n'importe quoi à la fois. Mais quand je dis n'importe quoi, c'est-à-dire que vraiment, on va partir dans des clins d'œil assez faciles. Notamment pour ceux qui sont nés à l'époque Dorothée. Voilà, il y a beaucoup de clins d'œil à cette époque-là. Et il y a aussi beaucoup... Voilà. Et si jamais vous êtes joueur de baston, de jeu de baston, ne serait-ce que vous savez comment on fait des quarts de cercle ou quoi, là aussi, c'est du gros foutage de gueule, parce qu'on aime bien dire « arrête de spammer, ça sert à rien et tout, tes boules de feu ça sert à rien », enfin bref, voilà, il y a quand même pas mal de clins d'œil aux jeux vidéo, donc les auteurs sont des gros fanats de jeux vidéo, de manga et de comics, à la pop culture pour ainsi dire, et vraiment, Last Man ouvre des portes que personne n'avait jamais osé ouvertes, c'est-à-dire que vraiment, attaquer 46 000 sujets en même temps, sans vraiment se perdre à droite et à gauche. Et c'est en ça que je trouve que la série est intéressante, c'est parce que déjà on nous met des personnages qui sont qui ont beau être classiques, mais qui sont imposants de par leur charisme, de par leur côté dévergondé, très ouvert aussi, c'est une série qui est très ouverte aussi. Et en ça, je dis, Last Man, c'est une des meilleures bandes dessinées que j'ai lues, parce que plein de sujets sont traités, on te les découpe à l'âge dans chaque tome, et ça ne s'arrête pas. Ça continue, ça enchaîne, tu as de plus en plus d'objectifs, mais au final, tu sens que les personnages vont évoluer, il va y avoir des drames, notamment un drame qui arrive et qui est assez dingue et qui est complètement inattendu, et qui va faire que tu vas aller des années plus tard dans l'univers va évoluer, et c'est complètement démentiel. Vraiment, c'est une œuvre que je vous conseille à mort, surtout si vous aimez la baston, la pop culture et la virilité. Voilà. Ok. Et ben moi, j'avais lu les deux premiers tomes et je plus sois ce qu'il dit, c'est pas mal du tout. En plus, pour les gens que ça intéresse, je vous conseille d'aller faire un tour sur la chaîne de ComicsBlog, je vous mettrai le lien dans la description, qui a fait une espèce de tour de l'expo, parce qu'il y a une expo à Angoulême autour de Last Man, avec les quatre auteurs, où ils vous présentaient le jeu vidéo, donc vous avez en avant-première. Oui. Il y a des petites images du jeu vidéo, donc on les voit en train de jouer, c'est pas mal du tout. Et en plus, en avant-première aussi, vous avez, je crois qu'il y a 10 minutes du début du pilote, et le pilote a l'air vraiment vraiment cool. C'est un mec si vous connaissez J'irai le lire sur vos tombes, vous le connaissez peut-être parce que c'est Jérémy Perrin qui réalise ce truc. D'accord. Et allez taper Jérémy Perrin sur YouTube, vous allez voir, c'est assez oufissime ce qu'il fait en animation, C'est assez crade aussi, mais Ouais, en fait, il y a quand même une vidéo qui, moi, m'a choqué à vie de par une de ces vidéos. Je sais plus le nom exact si je la retrouve, mais en gros, ouais, c'est un court-métrage qui est assez chaud, mais voilà, je. Normal... Il fait des courts-métrages un peu. Il aime bien les trucs un peu crades. Donc... Voilà, il aime bien ce qui est crade. Ça donne un peu l'esprit de ce qu'il va y avoir dans Batman. C'est un truc. Moi je félicite France 4 pour se lancer dans ce genre de trucs. Ils veulent aller chercher le public adulte et adolescent dans la série d'animation. C'est intéressant. Voilà. J'ai retrouvé la vidéo un peu choquante. Ça s'appelle Die Fantasy. Ne la regardez pas si vous êtes vraiment sensible. Vraiment. C'est pour vous prévenir d'avance. Hein. Mais voilà, comme tu l'as dit, la semaine, en fait, pour revenir un peu vite fait dessus sur ce que j'ai à dire en conclusion, c'est que c'est une série qui, au départ, va vraiment rassembler les jeunes parce que c'est tout simplé par son synopsis de base et tout. Mais au fur et à mesure des tomes, et ça c'est le but de la série, c'est de se guider plus vers les jeunes adultes et les adultes. C'est quelque chose qu'on ne fait plus vraiment dans les séries d'animation, enfin qu'on n'ose pas faire, parce que forcément il y a des sujets assez chauds, etc. Et ouais, la série Last Man part pour ça, c'est-à-dire s'adresser vraiment aux ados et aux adultes à la fois, parce qu'il y a quand même des thématiques assez chaudes, comme tout à l'heure je parlais de prostitution, etc. et tout, mais ça... C'est qu'un thème qui est parlé dans un tome en particulier, mais voilà. Quand vous lisez Last Man, vous allez prendre conscience que le début est tout gentillet, tout simplé. Vous êtes comme le personnage d'Adrian. Vous êtes innocent, vous découvrez un monde, etc. Mais vous allez voir que, il y a des personnages qui vont rentrer dans votre vie. Ça peut impliquer des situations, ça va impliquer des changements, et ça va vous faire mûrir au fur et à mesure de par de nombreux événements. Et c'est pour ça que... En tout cas ouais. Ça donne envie. Mais, voilà. En tout cas, ça change un peu des histoires qu'on a vues. C'est pour ça, et de temps en temps, vous allez mûrir et vous allez vraiment grandir avec. Et c'est ça que je trouve intéressant. Donc, En tout cas, on voit que tu as l'air passionné par ce que tu racontes. Mais, oui, je parle un peu trop, je suis désolé. Non, mais il n'y a pas de souci. Vraiment, ça t'a vraiment, vraiment plu. Mais ouais, et je vais vous avouer un truc. La première fois que j'ai entendu parler de Last Man, j'ai vu cette jaquette du premier tome et je trouvais ça extrêmement moche. Je trouvais que c'est vrai que les dessins sont pas, pour avoir lu les deux premiers, les dessins sont spéciaux, hein. Mais c'est pas voilà, les dessins sont spéciaux, pas super joli. Voilà, c'est le style de Vives, hein. Il a un style très particulier, très simplé, mais au fur et à mesure que tu vas lire, tu vas vite te rendre compte qu'en fait non seulement c'est pas très joli, mais en fait c'est voulu par son style, et que en fait la technique se rend service au scénario, en fait. C'est-à-dire que ouais, c'est très dynamique, en fait. Ça va dans l'émotion et dans la dynamique. Voilà, ça joue beaucoup sur l'émotion et la dynamique. Les scènes de baston, c'est du pur shonen, on peut le dire, c'est carrément shonen, c'est du bon manga pour ados, hein, c'est un peu ça. Mais il y a toute une ambiance qui se pèse, qui se pose comme il faut, et ça, on le ressent au fur et à mesure. Et au niveau du découpage, c'est pas rien. Et s'ils sont trois sur la bande dessinée, c'est pas rien non plus. Y a un gars qui a bossé chez Marvel, un chez Ankama, l'autre il est un peu freelance, mais il a réussi à s'ouvrir à de nombreuses portes. Et le fait que ces trois-là s'allient sur un projet cross-média, comme j'avais dit, il y a un jeu vidéo et une série, je sais que ça va prendre une ampleur assez certaine. Déjà, ça change de ce qu'on a actuellement, ça donne vraiment ce petit bol d'air frais dont on a besoin, ça ouvre les portes qui n'ont jamais pu être ouvertes, et ça fait vraiment du bien. Donc voilà, comme j'avais dit, la série est prévue pour avril et mai 2016. Le jeu vidéo sera sur Play 4, One et PC normalement. C'est un jeu un peu à la Power Stone, c'est-à-dire vous avez une vue de dessus et tous les personnages sont présents à l'écran et vous vous foutez la gueule dessus avec des objets, avec des pouvoirs, etc. Ça a l'air complètement fun. La série, voilà, comme tu as dit, il y a un petit aperçu déjà sur Comics Blog. Et la BD, pour le moment, c'est prévu à 12 tomes, et franchement, je vous conseille de lire. C'est un chef-d'œuvre. Voilà. Ok, okay. Tu nous as vraiment donné envie. Et, il nous a vendu le truc. Ouais, oui. Tu m'as donné envie de lire la suite. Et on va passer à la série télé avec Faye. Donc, écoutez, je suis très très contente de vous parler de ce sujet aujourd'hui, parce que c'est une série qui a vraiment été un de mes gros gros coups de cœur de 2015, et qui vient de reprendre dans sa diffusion. Donc c'est la série Off to Get Away with Murder, et cette série, donc, c'est une nouvelle production de Shonda Rhimes, que vous connaissez, c'est la showrunner de Grey's Anatomy et Scandal, et c'est une femme vraiment qui fait beaucoup, oui... pour la lutte pour les femmes et aussi pour les femmes noires, parce que dans ces séries, à chaque fois, on a toujours des personnages féminins qui sont charismatiques, qui sont très fortes, et elle met bien en valeur, justement, elle montre que même des personnes de couleur peuvent avoir une carrière, peuvent être intéressantes, enfin, elle met vraiment beaucoup en valeur, et cette série-là, pour moi, c'est sa meilleure série, et c'est vraiment une série que je vais vous conseiller, mais à fond. Donc le principe de la série, c'est qu'en gros, on suit Annalise Keating, qui est interprétée par Viola Davis, que je vous reparlerai dans quelques instants, donc qui est une célèbre avocate et qui est aussi une professeure à l'université. Et la série commence quand elle choisit parmi ses élèves 5 élèves pour être ses assistants. Et là, le principe de la série, c'est qu'on va la suivre donc avec ses 5 élèves en train de, voilà, de traiter chaque semaine un cas différent pour un procès. Et en même temps, dans la série, on va avoir des flash-forwards qui vont nous montrer qu'à un certain moment, ces élèves vont tuer quelqu'un et vont être dans la situation de devoir en fait cacher leur crime. Et c'est ça tout le principe de la série. Et je ne vais pas en dire plus au niveau de l'histoire parce qu'il ne faut pas spoiler. Mais la série, elle est extrêmement bien écrite. C'est-à-dire que dans les moments présents, on va avoir plein d'indices, plein d'interactions entre les persos, et ça va nous permettre en fait de faire travailler notre cellule grise et d'essayer de deviner comment ils en sont arrivés à ce qu'on va voir dans les flash-forward, si vous voulez, qui est la victime, pourquoi cette victime a été tuée. Et c'est vraiment super intéressant. Les persos sont tous complexes. Il n'y a aucun perso qui va être gentil ou méchant. Ils ont tous leur part d'ombre et de lumière. Et c'est super intéressant. Et franchement, je suis amoureuse de cette série. La réalisation, elle est rythmée. Elle est au plus près de l'action. Le casting est tous impeccable. Comme je le disais, Viola Davis, elle est impressionnante. Oui, James? Il a pas eu un Oscar, Elle a eu un quoi, c'est un Golden Globes, me semble-t-il, l'année dernière, justement, pour ce Ah, c'était pour ce rôle-là. Parce qu'elle rôle-là. est charismatique, elle est puissante, c'est une lionne. Et en même temps, on s'aperçoit que c'est un personnage très fragile. Parce que, bon, on va découvrir des choses sur son passé et tout. Et au fur et à... Oui, James? Excuse-moi, juste pour couper pour les gens qui savent pas qui est Viola Davis, c'est celle qui va jouer Oui, j'allais dire qu'il joue dans Suicide Squad et qui va faire Amanda. Merde, j'ai perdu le nom. Welling, non? Non. Wellers. Ouais, Valeurs. Wellers ou ouais. Ouais, la meuf qui dirige Ouais, la meuf qui dirige le Suicide Squad, en fait. Bah, on a vu son perso dans Arrow, même si c'était pas lui qui le jouait. Ouais. Donc, voilà. Et bref, donc merci de m'avoir coupé, James. Excuse-moi. Merci beaucoup. Et donc, je disais, bon, elle est à la fois fragile et tout, et au fur et à mesure de la série, on va découvrir plein de choses sur les personnages, et on va voir que cet événement, en fait, qu'on voit au début, qui représente en fait que le milieu de la série, va engendrer plein de choses complètement folles. Et ce qui est excellent dans la série, c'est que chaque épisode, on est époustouflé. On va avoir un énorme coup de théâtre et on a l'impression à chaque fois que c'est le final de la série qu'on voit, ou le final d'une saison, tellement il se passe des trucs de fou. Mais c'est bien écrit, chaque indice est logique. On peut trouver la solution, on peut deviner des choses, mais on aura toujours un petit point, ils vont nous mettre sur le cul. Mais vraiment. Et c'est pour ça que j'aime cette série. Et puis au niveau du casting, quand même, il y a vraiment tout le casting est impeccable. Mais dans les plus connus, il y a par exemple Charlie Weber qui joue le personnage de Frank, qui est un peu, on va dire, l'homme de main d'analyse. Vous l'avez peut-être vu dans Buffy, dans la saison 6, qui faisait en fait le personnage, la version humaine de Gloria, pour ceux qui Ah oui, je m'en connaissent, souviens, voilà. oui. Après, mais tiens, on a parlé il n'y a pas longtemps de la série Gilmore Girls, qui est devait Oui. se reformer. Et dedans, en fait, on a une actrice qui était dans la série qui s'appelle Lisa Well. Bon, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais en Je tout cas, dans connais la pas tant série, que elle ça, ouais. interprète le rôle de Bonnie, qui est en fait le bras droit d'Analyse. Ouais. Et c'est pareil, cette meuf, c'est... Vous allez vous dire, oh, elle est gentille, machin, mais vous allez découvrir des trucs sur elle, ça va vous péter le cul. Ça Non, mais va vous vraiment. péter le cul à Ah non, mais ce vraiment, cette série, ça a été vraiment la big surprise pour moi. Et ce qui m'a énervée, là, c'est que je commence à lire sur les internets qu'on voudrait annuler cette série parce qu'elle Donc en fait pleine saison moins... 2. Et en pleine Elle est en saison 2. saison 2, voilà, et on voudrait donc l'annuler parce qu'elle fait moins d'audience que la saison 1. Et ça m'énerve parce que, franchement, en tant que femme, on n'a pas souvent des séries avec des persos féminins aussi forts, avec des intrigues aussi bien construites. Et quand je vois que ABC, par exemple, qui appartient à Disney, qui a aussi la chaîne Freeform, et qui propose une série de merde comme Pretty Little Liars, où c'est écrit avec les pieds, où la meuf, elle va prendre la solution la moins évidente, la moins logique par rapport aux indices qu'elle pose, et ça on leur donne une saison de plus, et ça on veut l'arrêter. Et le truc qui m'a énervé encore plus, c'est que cette semaine, j'ai vu le dernier épisode Pretty Little Non, le dernier épisode de Of to Get Away with Murder, qui était Murder, oui. génialissime, et le même jour, j'ai eu la curiosité et la bêtise d'aller Y a voir pas trop de rapport. non mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai un rapport avec ça, d'aller voir le revival de la fête à la maison où on a des gags d'une nullité affligeante et des persos féminins qui vous disent au 21e siècle, ah, une mère célibataire ne peut pas avoir de carrière et élever seule ses enfants. Ah ouais, on en est là, quoi. Et à côté de ça, on va faire chier Sean Adams qui propose des personnages qui montrent que justement on peut avoir une vie de famille, qu'on peut être forte, qu'on peut être dans des intrigues passionnantes et tout, et on va annuler ça au profit de refaire une saison 2 à la fête à la maison. Mais c'est pas la fête à la maison qui prend les, non, les mais, sous de... Non mais j'en ai rien à foutre, ça m'énerve. Donc vas-y. Attends, mais la fête à la maison ça a jamais été... Même avant mais, c'était mais nul ils à ont chier. Réussi à faire pire. C'est donc chaud. Ça m'a énervé parce que j'aime... Laisse-la s'énerver. Laisse-la. Oui. J'aime cette série. Je sais que vous dites, mon Dieu, elle est folle. Mais putain, mais quand on a une série de cette qualité qui est bien écrite, on lui file du pognon. On lui file... Franchement, vous prenez les séries ABC, ils filent du pognon à Marvel, à Agents of Shield. Ok, c'est pas une grosse merde, mais c'est pas génial non plus. Mais n'annulez pas cette série. Moi, je peux que vous la conseiller. Si vous aimez les mystères, si vous aimez les personnages... travailler avec de la psychologie, avec des choses de folie qui vous tombent dans tous les sens, mais regardez cette série. Vraiment, c'est la meilleure de Shonda Rhimes. Après, j'aime beaucoup Scandale aussi, qui est plus dans le côté politique et la manipulation, que je peux vous conseiller aussi, mais cette meuf, elle a tout compris, elle fait des séries super bien. Après, Grey's Anatomy, on peut critiquer le côté cucu, machin chose, mais il y a des thèmes forts, et on l'a vu là dans la dernière saison, il y a eu un épisode sur Grey qui parlait des femmes battues. Voilà, et c'était super bien fait. Et quand je vois qu'il y a des gens qui font un travail de cette qualité, je trouve ça dommage qu'on veuille annuler cette série. Donc regardez Off to Get Away with Murder, il y a 2 saisons, on en est là à peu près au 212, donc enfin 212, c'est 2 x 12, donc vous n'avez pas beaucoup à rattraper. La première saison est assez courte, mais il ne faut pas se priver de cette série parce que vraiment tous les acteurs se donnent corps et âme, les scénaristes sont à fond, et je peux pas vous en dire plus parce que vraiment il faut absolument pas vous faire spoiler la série, mais vraiment c'est un truc voilà quoi. Mais j'aime cette série d'amour et c'est une des séries qui m'a le plus excitée ces derniers temps. Ça fait 2 ans qu'elle me casse les couilles avec. Non, pas 2 ans, ça a commencé l'année dernière. Mais vraiment, tu vois, ça m'a rappelé un peu l'époque de Lost où on cherchait plein de théories, de machin, genre dans l'avant-dernier épisode, avec justement les gens du 610 qui se reconnaîtront. On avait fait des captures d'écran pour aller voir des coupures de journaux, pour avoir des indices et tout. Et c'était de la folie. Tu nous as spoilé, on sait qu'il y a des coupures de journaux. Non, mais vraiment, c'est mon coup de cœur. Et là, je vous en parle avec mes tripes. Alors, je sais que c'est un peu discours. C'est un peu dégueulasse. Hein, c'est un peu dégueulasse, peut-être. Mais vraiment, je vous conseille cette série. Voilà, bisous. Et allez chier sur la fête à la maison. Oh, ça, c'est prévu, vous êtes, ça. Vous êtes une femme, vous pouvez aller niquer votre race à tout le monde. Il n'y a même pas les sœurs Olsen. Franchement, il n'y a même pas les sœurs. Attends, la blague des sœurs Olsen. Ah, mais où est Michel? Elle dirige son empire de la mode à New York. Et là, tous les persos se tournent vers la caméra pendant au moins les 2-3 minutes et vous regardent genre en mode. Ah, le malaise. Ah, non, mais tu te sens mal. Le tu malaise. Mal. Oh là là. Voilà. Ouais, regardez Love plutôt. Regardez juste l'intro, ça va vous résumer toute la série. Tellement c'est... Regardez la série Love, elle est bien aussi. Bah, ça va un peu emmerder au bout d'un moment. Quoi. Non, c'est bien. Bon, bref. Non, mais... Donc voilà, mais non, Off to Get Away with Murder. Ça donne envie. Et d'ailleurs, aussi, je finis dans Off to Get Away, je l'ai pas cité, mais il y a Alfred Enoch qui jouait Dean Thomas dans Harry Potter. Il a bien grandi. Hein. On l'a vu c'est brièvement dans Sherlock. Dans un épisode de la saison 3, tu sais, il faisait le militaire là qui est dans une des. Ah oui, c'est vrai, c'est un black aussi. Oui, c'est un black. Ah, mais il y a des blacks, il y a des blancs, il y a des hispaniques, il y a de tout dans cette série. Il n'y a pas de whitewashing. Whitewashing. C'est tout. Elle a tout compris, cette Shonda. Non, mais je l'aime, Shonda. Franchement, je vais lui dire, je l'aime. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Ok. C'est mignon. Ok. Voilà. Et bah, c'était cool. On Et va vous passer. Vous avez envie de regarder. Sinon, on va regarder. Ah, moi, j'ai bien envie, là ça m'attise. Ah, ouais, il est gentil. Je vais aller prendre le DVD que je t'ai offert à Noël et je vais les regarder. Non. Ah oui, si on regarde. Oui, viens, on va regarder ce soir. Non, on regarde le truc de la 2. On, est... on s'en fout. On va passer à Gusty qui va nous parler d'un film pas trop connu, un petit film indépendant. Ouais, un petit film. Il est passé à Sundance. C'est y a pas encore trop un film de blanc. Ouais, voilà. Bah, il y a pas de blague dedans. Pas que non, il y a non. Non, il y a un russe. Et il y a pas de blague. Il n'y a pas de black, mais peut-être dans un prochain film, qui sait, peut-être qu'il y aura un black. Il y a une latino. Oui, il y a une latino, il y a une... Bah, la fille de Fire. Ah si, il y a la... Morena Baccarin. Il y a Blind Al qui est black. Ah non, elle n'est pas black. Bah, non, si, elle est black. Non. Ah si. Celle qui est aveugle. Si. Ah oui, il y a une black. Ah sinon, on s'en va. Oui, bon après, elle passe tellement inaperçue, hein, donc... Pourtant, elle est aveugle. Hein. Donc voilà. Ils ont mis une blague et une handicapée dans le même perso, c'est bon, ils ont les quotas. Tu vois. Bon, bah vas-y, lance-toi sur Deadpool. Eh bien écoutez, bah, je vais vous parler de, non pas d'un petit film, enfin, bah, plus ou moins un petit film, mais là qui est devenu un gros film ces derniers jours. Je vais vous parler de Deadpool. Alors, Avant de commencer par le film, les jeux vidéo, je vais plutôt vous parler un petit peu du personnage, de savoir d'où il vient et pourquoi il a tant de succès auprès de la culture geek. Alors Deadpool, il faut savoir qu'il a été apparu en 1991 dans le numéro 98 des New Mutants. Il faut savoir que c'est un dérivé de l'univers X-Men. À l'illustration, on a eu Rob Liefeld, ou Liefeld, je... Liefeld, Liefeld, la hein. personne qui encre au volant pendant qu'il conduit. C'est Oui, ça. il a su combien de personnes? Je sais pas, Regardez. mais c'est ce qu'il a dit qu'il faisait, Eh bien, il a qu'il besoin dessinait pendant qu'il conduisait. C'est ça, ça se sent un petit peu. Ça se Et qui sent. a besoin de grosses, grosses leçons d'anatomie, puisque il y a un dessin de lui qui est très, très connu de Captain America, où Captain Oui. America a vraiment, il a des nichons en fait. C'est exactement ça. J'irai voir ça. Donc, Rob Liefeld au dessin et au scénario, nous avons Fabian Nicieza. Donc, excusez de mon accent East Coast napolitain. Voilà. Donc, du coup, la particularité de ce personnage, donc c'est un mercenaire et ce qui fait la force de ce personnage-là, c'est que il prend conscience que c'est un personnage de BD. Donc, du coup, il brise le quatrième mur et c'est-à-dire que dans certaines pages, dans certaines séquences, eh bien, il s'adresse à vous directement. C'est ça qui fait vraiment la force de ce personnage, et aussi qu'il a un côté nonchalant, un côté décalé, et que il faut savoir que c'est un mercenaire, et puis quand il tape dans le lard, il fait pas semblant. Vraiment pas. Deadpool a eu plusieurs aventures. Il a eu des aventures avec la mort, il a eu des aventures avec la femme de Dracula. Il y a eu beaucoup d'affrontements entre des personnages de Marvel, que je vous conseille vivement. Deadpool massacre Marvel, qui est juste une tuerie. Il a eu aussi Deadpool qui massacre les classiques de la littérature. Il arrive avec un bazooka et puis il démonte Tom Sawyer, ou soit il harponne Moby Dick. Et aussi, vu qu'il est schizophrène, eh bien, il y a eu une œuvre comme Deadpool, Massacre Deadpool. Donc, que je vous conseille vivement aussi. Et là, cette fois-ci, eh bien, je vais vous parler du film, parce que ce film, eh bien, il vient de loin. Tellement loin qu'à un moment donné, ça a été un petit peu l'Arlésienne d'adaptation comics, parce qu'il faut savoir qu'au tout début des années 2000, il y a eu un renouveau au niveau des super-héros, notamment à cause de Marvel, avec X-Men, avec Blade, avec Spider-Man. Du coup, Marvel Studios, suite à ses succès, pardon, ils ont réfléchi, ils se sont dit, tiens, ça serait pas mal si on adapterait Deadpool. Alors au départ, ils voulaient l'adapter Marvel Studios en indé, parce qu'ils avaient peur que s'il s'associe à une major, que ça soit censuré. Bon. En 2004, il s'associe avec la New Line Cinema, donc à qui on doit les Lord of the Rings. Et en fait, un an plus tard, la New Line Cinema s'est désistée parce qu'en fait, de base, David S. Goyer, donc un scénariste de comics, de cinéma aussi et de jeux vidéo, tels que Man of Steel en cinéma, Dark Knight et des Call of Duty. Il a scénarisé des Call of Duty. D'accord. C'est lui qui chapeaute tout l'univers de la Fox en fait. Tout l'univers partagé X-Men de la Fox, De la force. c'est S. Goyer qui le gère en fait. Voilà, et du coup, en fait, eh ben, il devait scénariser et réaliser Deadpool, et directement, il avait pensé à Ryan Reynolds pour jouer le costume de Wade Wilson. Bon, finalement, ça s'est pas fait parce qu'il s'est concentré sur d'autres projets, et après, la Fox a décidé de prendre Deadpool et de réfléchir plutôt sur un spin-off, comment ils allaient introduire Deadpool. Et c'est à partir de 2009 qu'arrive X-Men Origins. Oh putain, mon Dieu. Voilà, donc il reprend un petit peu plus ou moins les origines officielles de Wolverine. Et dans ce film, eh bien, on voit pour la première fois eh ben Deadpool avec Ryan Reynolds, et qui, en fait, comment dire, est C'est passe, violé. qui s'est fait violer. C'est pas Deadpool. C'est pas Deadpool. Oui, c'est absolument pas Deadpool. Enfin, à la fin, il dit, en fait, voilà. L'arme 11, Deadpool. Il le dit clairement. Hein, donc du coup, il y a eu. On va l'appeler Jacques. Ouais, voilà. Il y a eu une mauvaise surprise auprès de la communauté. Et ça, je peux comprendre. Parce que Deadpool, comme je vous dis il y a quelques instants, eh bien, c'est quand même une grande gueule qui ne se laisse Mais en pas même temps, faire. tout le film est à chier. Hein. Ouais, non, bon, après, Y a voilà. pas, y a Gambit, et il chie sur Gambit, il chie sur. C'est clair, Gambit, j'adore. Bah, surtout qu'il y a. Attends, il y Surtout... avait Dominic Monaghan et il le tue super vite d'abord. Ouais, c'est vrai. C'était Oui, rien ça. que pour ça que j'étais allé voir le Il y film. avait même Will.i.am aussi, je me rappelle. Will.i.am C'est des. vrai. Oui, c'est vrai. Eh On ouais. voit 30 secondes. Donc, du coup, en fait, eh bien, le succès. Enfin, il y a eu un succès plutôt mitigé. En fait, ça n'a pas fait un gros carton au box-office mondial. Et au final, bah, ils ont abandonné l'idée de Deadpool. Il faut savoir qu'il y a une scène qui a été cutée au moment du montage, c'est-à-dire que au moment à la fin de X-Men Origins, donc on voit Wolverine qui se massacre, enfin qui se tatane avec Deadpool, la centrale explose. Il faut voir que la dernière scène, en fait, eh bien, on voit Deadpool qui ressort des cendres et en fait, on voit qu'il a la bouche ouverte. Donc, ça aurait pu donner une bonne fin, enfin une bonne suite par rapport au film qui est sorti il y a quelques semaines. Mais bon, ils l'ont cuté. Ensuite, les années passent et puis en 2010, eh bien, deux scénaristes rebossent sur une adaptation de Deadpool et le proposent à un réalisateur. Alors là, j'aurais pas dû penser à ce réalisateur-là, mais ils ont proposé à Robert Rodriguez. Robert Rodriguez, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, eh bien, c'est celui qui a réalisé les deux Sin City, la trilogie Desperados et les Machetes qui sont Une nuit en enfer et aussi les Machetes avec Danny Trejo. Et surtout Spy Kids. Et ouais. Pour moi, Sharkboy et Lava Girl. Spy Kids. Bon, écoutez, il y a des plaisirs coupables. Ça... Voilà, j'aime beaucoup ce film parce que ça me rappelle mes souvenirs quand j'étais gamin. Voilà. J'adore Planète Terror. Voilà, ne me blâmez pas. Moi aussi, j'aime bien Planète Terror. Ne me blâmez pas, s'il vous plaît. Il faut savoir qu'en 2010, eh bien, la même année, eh bien, Ryan Reynolds. Bossé chez la Warner pour Green Lantern. Après, on connaît un petit peu la suite de Green Lantern. Non, il a pas de chance. Il a pas eu beaucoup de chance. Mais il a rencontré l'amour de sa vie. Ouais, Black oui. Ça y est. Ouais. Ça y est au moins. Enfin, moi, je regardais Scarlett Johansson. Hein. Et du coup, on est toujours en 2011. Le projet est toujours en développement. Ryan Reynolds l'affirme et assure qu'il y aura un film Deadpool, il ne sait pas quand, mais franchement Deadpool, il le tient vraiment à cœur et ça se voit au niveau de la campagne marketing, au niveau des réseaux sociaux, des interviews. On voit que le mec il s'y tient à cœur pour ce film. Et c'est à partir d'en 2012, eh bien, que on donne un nom à la réalisation, c'est Tim Miller. Alors Tim Miller, il faut savoir que il a réalisé zéro film, bon si Deadpool là, qui est arrivé récemment, mais en fait cette personne là était plus spécialisé au niveau des effets visuels, notamment il a travaillé au niveau des effets visuels de Scott Pilgrim, qui est une autre adaptation de comics. Et que c'est je marrant, ça ne se voit pas sur Deadpool. Et que je vous recommande, chaudement de regarder Scott Pilgrim vs. Ouais, the World. C'est un super film, il faut le regarder. Edgar Wright, super réalisé. Voilà. Tous les films d'Edgar Wright sont cool. Excellent. Ouais, même Ant-Man, non je déconne. voilà, qui a réalisé zéro film, et puis en fait, eh bien, le projet s'achève en 2012, c'est-à-dire que tout est ok. On n'attend plus que le feu vert de la Fox. Et bah seulement, la Fox, ils se sont dit, non, mais attendez, là, on a fait des reboots de X-Men, les spin-off de Wolverine, ça marche très bien, on a des films de Mark Millar aussi, donc Deadpool, on verra ça plus tard. Donc du coup, Tim Miller et Ryan Reynolds ont trop les boules, et c'est à partir de septembre 2014, eh bien que soit c'est Tim Miller ou Ryan Reynolds lâchent les premières images de Deadpool, donc la fameuse scène où on voit Deadpool dans un 4x4 et qui massacre les mercenaires en question, ça a fait un gros buzz, et ensuite, on a appris eh bien, que c'était vraiment un film. Au début, on pensait que c'était une fanfiction, et eh bien non, en fait, Ryan Reynolds a affirmé sur Twitter et sur Facebook que c'était bien un film Deadpool et qu'il y aura bien un film Deadpool. C'était pas au Comic-Con ? Non, en fait. Non, si, non, c'était au Comic-Con, non ? Non, c'était pas au Comic-Con, ça a été lâché comme ça sur Internet. Et bien fait comme ça, il les a bien enculés. Ben justement, c'est pour que la Fox en fait réagisse à ça. Et vu qu'il y a eu tellement de bons retours, et eh bien la Fox a donné le feu vert. Et c'est à partir du printemps 2015 qu'il y a eu le film Deadpool et il s'est terminé en mai. Et nous arrivons, et eh bien le 10 février 2016, c'est-à-dire il y a quelques semaines de ça, et eh bien est sorti Deadpool de Tim Miller avec Ryan Reynolds en personnage principal, Morena Baccarin qu'on a pu voir dans la série V et plus récemment dans Gotham aussi. Nous avons aussi, alors ça a été un gros coup de cœur, mais T.J. Miller, je ne le connaissais absolument pas. Et en fait, je l'ai connu. Il était dans Transformers 4. Ah bah écoute, ça me disait rien du tout tellement c'est que c'est. Avec les cheveux longs et les lunettes. Ah ouais, d'accord, ok. Ah bah ouais. Non, mais ben. Dans Deadpool, c'est qui? C'est le mec avec les cheveux longs et les lunettes. C'est le mec. C'est non, le barman. C'est le barman en fait. Ah, le barman. Ouais. Bon, et du coup, j'ai découvert cet acteur-là. Et bon, déjà, il était assez drôle en Deadpool. Et puis après, je l'ai découvert dans Silicon Valley récemment. A un tout petit rôle dans Silicon Valley. Hein. Ouais, non, mais quand même, il a c'est vraiment pas le plus drôle hein, en plus. Hein. Ouais, bah ça, après, c'est ton avis. Voilà. Oui, c'est mon avis. Et donc, du coup, voilà. Alors, après, le film Deadpool reprend un petit peu plus ou moins les origines. Hein. Donc, c'est Wade Wilson, un ancien mercenaire qui vit le parfait amour avec sa compagne. Et jusqu'au jour où il apprend qu'il est atteint d'un cancer et que ses trottoirs. De plusieurs cancers, bon, si tu veux. Hein, et que c'est trop tard. Ah là là là, que c'est trop tard pour le soigner. Et c'est alors qu'il fit la rencontre d'un mec qui lui propose d'être cobaye d'une expérience pour devenir un super soldat, voire même un super héros. Bon, il se passe ce qui se passe, l'expérience se débute mal, et du coup, en fait, Deadpool veut retrouver la personne à qui on lui a mis cette espèce de sérum, on va dire, ouais. Et par-dessus aussi, il essaie de retrouver sa petite amie qui a été enlevée aussi par la même personne. Donc ça, c'est le scénario du film. Voilà, donc c'est très simple. Au niveau de la réalisation, comme je vous ai dit, c'est Tim Miller. Et honnêtement, pour un premier film, je trouve qu'il s'en sort pas mal. Parce qu'il faut savoir que quand même Deadpool, c'était un film vachement attendu, qui a été pondu sur plusieurs années. Et je trouve qu'honnêtement, au niveau des films qu'il y a eu récemment, voilà, je parle des Marvel, des Avengers et compagnie, moi, je trouve qu'il fait partie de l'une des meilleures adaptations de super-héros pour moi. Après, je sais pas vous si vous avez votre avis sur Deadpool. Moi, je dirais oui, clairement. En termes d'adaptation, je trouve que c'est l'une des meilleures, les plus respectables, et bien mieux que Wolverine. Mais bon, ça, c'est plutôt facile à dire. Mais oui. Ouais, et je trouve que, ouais, comme tu dis, pour un premier film, c'est très surprenant, en fait. Hein. C'est bien plus surprenant, et c'est même au-delà de ce que j'estimais de base, en fait. Donc, ouais, vraiment très très bonne adaptation. Bah moi pour ma part j'attendais une grosse merde parce que la bande annonce m'avait pas du tout. Ouais, le marketing est vraiment pas bien fait. Je donnerai ton avis après s'il te plaît. Et franchement j'ai été surprise parce que j'ai rigolé, j'ai passé un bon moment, les scènes de baston étaient sympas. Après tu vois c'est pas un film hyper ambitieux comme veulent faire les Marvel. Pour moi c'est un revenge movie, c'est-à-dire le mec on lui a tout pris, il veut sa revanche machin et tout. Et ça m'a fait connaître le perso de Deadpool que je ne connaissais pas trop. Et c'est vrai qu'en sortant du film, je suis allée, tu vois, acheter un comics parce que ça m'a donné envie. Donc pour moi, la mission de faire découvrir, elle est réussie. Après, en termes d'adaptation, après avoir lu un peu des comics, je trouve qu'ils s'en sont pas trop mal tirés. Après, le film n'est pas parfait non plus, je pense qu'on va y revenir. Moi, ce qui m'a gêné, c'est les effets spéciaux, surtout sur Colossus, qui sont un peu dégueux. Mais le film en lui-même, tu vois, ça change. Et ça m'a fait un peu le même effet que les Gardiens de la Galaxie. Je ne comprends pas, comme toi, je ne comprends pas les deux. Mais en fait, tu vois, les Gardiens, j'ai bien aimé parce qu'il y avait de la science-fiction, il y avait de l'humour. Et c'est des thèmes qui vont me parler plus que, voilà, je sais pas, au bout d'un moment, Captain America, Iron Man, machin, chose, je m'en fous un peu. Tu vois, Avenger, le premier, je l'adore parce qu'il y a l'esprit Whedon, il y a l'humour, il y a le. Tu vois, enfin, ça change, quoi. Mais c'est vrai que je suis un peu lassée en ce moment des Marvel, là, j'en ai un peu. Ah, la casquette. Voilà, tu vois, genre Civil War, je m'en tamponne, mais d'une puissance. Voilà, j'irai le voir parce que j'irai avec James, mais c'est pas le film que j'attends, quoi. Et là, ça m'a fait une petite bouffée d'air frais. Voilà. Vas-y, James, vas-y. Je vais redonner mon avis, ça y est. Vas-y. Alors, avant toute chose, je vais commencer parce que. Tu pourrais t'excuser pour envers voilà, une personne. J'avais promis à quelqu'un avant de voir le film que je m'excuse. Parce que c'est vrai que j'ai passé mon temps à dire. Sur le groupe, par exemple, le comics à Montpellier. D'ailleurs, venez sur le groupe Facebook, le comics à Montpellier, si vous êtes sur Montpellier et que vous voulez voir du comics. J'ai passé mon temps à chier sur le film tant que je pouvais. Parce que, premièrement, j'aime pas la plupart des films de la Fox sur les super-héros. J'aime pas ce qu'ils font. J'aime pas ce qu'ils ont fait sur X-Men. Donc, j'aime pas les films de Singer. Et le seul qui me va à peu près, c'est First Class. Tous les autres me font gerber. Voilà, carrément. Oui, enfin, moi j'aime vraiment pas. Reste calme, on va prévoir des appareils. Ouais, ouais. Donc, je trouve que le marketing n'a pas été super bien fait. Les trailers étaient assez gras, assez. Enfin, assez très loin de l'humour qui, au final, est beaucoup plus. Bon, qui est un peu gras, mais qui est plus subtil dans le film. Et je trouve que tout ce qui se faisait autour du film avant qu'il sorte me donnait vraiment pas envie, me faisait très très peur. Et j'ai passé mon temps à dire que ça allait être de la merde et que ça allait être pourri Et comme vous pouvez le faire. Et j'avais promis à quelqu'un que si j'aimais le film, je m'excuserais en devant témoin et en public. Donc Goustique, Oui. je m'excuse d'avoir été méchant avec toi par rapport à ce film. Donc voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. C'est mignon. Eh bien, écoute, excuse acceptée. Hein, donc, c'est dommage On se que je te retrouve vois dans pas à genoux, quelques hein, mois donc, mais. pour X-Men. Mais voilà. Mais on se On se retrouve retrouvera. dans quelques mois pour X-Men Apocalypse où je m'excuserai en public. Ok, Si, ça sera si. peut-être moi. Je ferai une visioconférence, je serai à genoux. Là, je te. Pardon, James! James, pardon. Pardon, Bryan Singer! Non, non, mais ouais. Bah écoute. Mais le film est bien. J'ai passé un super moment. Le film est drôle. Le film est dans l'ensemble réussi. Mais je suis peut-être pas aussi. Parce que je vois plein de monde qui disent ouais c'est comme tu viens de dire c'est une des meilleures adaptations de Marvel. On est très J'ai pas dit la meilleure, j'ai dit une des meilleures. oui Attention. non mais on est très très loin de ce que peut faire Marvel Studios avec tout. Enfin moi je trouve que c'est à l'image c'est ça à l'image d'un Ant-Man quoi. C'est fun mais franchement il y a beaucoup de défauts. Le film a des longueurs quand même et ça manque donc ça manque Bah. vraiment d'ambition quoi. Mais c'est. Alors, je pense que. Alors, après, le fait de manque d'ambition, il faut savoir que, au niveau du budget, Deadpool a eu que 50 millions de dollars. Il faut savoir qu'en général, quand on fait une adaptation de super-héros, c'est 4 fois, voire même 5 fois plus, en fait, un budget. Par exemple, Man of Steel, ça a été 225 millions de dollars. Mais tu Voilà. vois, ça c'est encore un point qui me fait chier avec la Fox, parce qu'ils ont aucun respect pour leur production. Là, ça leur plaisait pas, ils ont donné un peu parce qu'ils avaient l'obligation, mais maintenant ils s'en foutent plein les fouilles. Et c'est pareil avec leurs séries télé ou autres, ils les diffusent n'importe comment, et après ils les annulent, ils leur font pas. Enfin, ils respectent rien, Ah ils regardent que oui. le pognon, ça m'énerve. Ouais, c'est sûr. Voilà. Mais je regarde un petit film indé, enfin indé entre guillemets, Chronicle par exemple, qui doit avoir à peu près le même budget. On vérifiera et on vous dira en commentaire. Chronicle est beaucoup mieux réussi que les Deadpool. Enfin, Alors tu vois, ça manque je suis pas d'une d'accord. vraie direction artistique. Et Le pourtant, film est c'est de super Josh Trank, hein. classique. Ouais, Excuse bah ouais, bah excuse-moi, Josh James, mais je Trank. suis pas d'accord. Moi, Chronicle, j'ai détesté. Hein. Oui, non, mais parce que. Excuse-moi, c'était chiant. Non, mais le Notre film est écart, super alors. classique. La réal, elle est super oubliable. Il y a pas un mec. Il y a pas une vraie patte artistique comme derrière Les Gardiens de la Galaxie avec James Gunn. Tu sens le mec Oui, qui fait mais des. attends, James Gunn, c'était pas son premier film. Lui, c'est son premier film. Donc, c'est peut-être un peu normal Ouais. qu'il soit pas. Je veux dire, quand tu fais ton premier film, tu peux pas être super balèze et tout. Les Enfin, effets spéciaux, les spéciaux, ils ont. C'est comme ça, par contre, je disait suis Riley d'accord. de Pourquoi Buffy c'est génial. J'en parlais avec lui sur Facebook et il me disait les effets spéciaux, ils ont déjà vieilli, Mais ils sont oui. déjà vieux. Même maintenant, tu te dis oh, pff, voilà ça. Ce que disait Faye par rapport à Colossus, pourquoi ils l'ont laissé, ils l'ont mis en Colossus tout le temps, enfin en métal tout le temps, parce que ça coûtait trop cher de faire un changement. Et franchement, c'est plus risible qu'autre chose, quoi. Ça coûtait quoi de l'impliquer un peu plus dans l'univers de X-Men? Enfin, je demandais pas à voir Fassbender ou enfin qui l'implante un peu plus dans l'univers X-Men, qu'on voit un peu plus de X-Men que juste deux pauvres. Donc, enfin, Mais justement, c'est moqué. j'aime bien Colossus, mais l'autre Ninja, je sais pas, enfin merde, comment elle s'appelle? La Mais le meuf, La meuf, qui est. la meuf dont on s'en bat les couilles, franchement, on s'en bat les Non, couilles. Et mais pour revenir franchement, vite fait. le film est très drôle, le film est très Attends, je drôle, laisse parler les deux autres. Bon. Mais ça manque Calme-toi, d'ambition, ça calme-toi, manque d'ambition. calme-toi. Laisse Calme-toi. parler Allez, prends Starfleur. ton médicament. Vas-y, vas-y, Mais il Starfleur. peut pas me laisser parler. Pour revenir à ce que tu disais, il y a que deux X-Men, etc. et tout. Mais il me semble que dans le film, justement, même de ça, on s'en moque. C'est-à-dire que le film prend conscience de Ouais. son budget et de Ouais, ses mais. défauts. Mais moi, tu C'est vois. facile de faire une vanne dessus. Alors, enfin. Mais Mais oui, mais est-ce que déjà, justement, oui. c'est pas un peu eux qui répondent à la Fox en disant ouais, vous nous avez cassé les pieds, nanana, en plus vous Ouais, méritez pas ça, quoi. déjà, C'est un peu facile, moi. c'est facile, C'est un peu mais au facile. moins ça a été fait. Personne n'ose le faire. C'est pas dans un Marvel que tu vas entendre ça. C'est genre, ah, le bouclier Bah des Captain dans un America. Marvel, il y a plein de vannes. Enfin, Mais de là, regarde oui, les Gardiens de la Galaxie, est vachement drôle. mais. Les Gardiens de la Galaxie sont beaucoup plus drôles Mais bien sûr, mais que bien les sûr. Oui, mais Deadpool, c'est pas hein. pareil. Mais Là, de ça là à bouge pas perforer trop. le quatrième mur et à te dire, ah, t'as remarqué que ce film, il manquait de budget, etc. C'est pour ça qu'on a que deux X-Men dans un grand manoir que t'as déjà vu dans Plus plein de séries. intelligent. C'est vrai que c'est un truc qu'on n'a jamais osé faire et qui a été fait. Et donc, Goustique, je pense qu'il peut continuer là-dessus pour les défauts et les qualités. Mais je trouve que Ouais. c'est intelligent que ce soit eux qui le disent en premier avant qu'on leur balance dessus. Comme ça, ils peuvent se défendre de ça. Et si c'est quelque chose qui est à mettre sur le compte de la Fox, qui effectivement a pas voulu justement croiser en mettant Fassbender ou même, tu vois, le petit Xavier ou quelqu'un, ça permet un peu non seulement de leur envoyer une pique, mais en même temps de se protéger eux, parce que eux ils se sont fait chier à faire le film, les pauvres, parce qu'ils avaient la passion de cet univers-là, et c'est dégueulasse de leur chier dessus si c'est quelque chose qui n'est pas leur faute à eux, tu vois. Mais il faut savoir aussi que c'est que la Fox n'en avait strictement rien à foutre de Deadpool. Hein. Faut savoir que eux, ils misent que sur les X-Men depuis une quinzaine d'années. Bah depuis le premier. Depuis une quinzaine d'années. Il faut savoir qu'ils en avaient rien à foutre, tout comme les 4 Fantastiques. Ils en avaient rien à foutre. Ils se sont dit, bon. Tu vois ce qui est arrivé à ce pauvre réalisateur des 4 Fantastiques. Voilà, je l'ai toujours pas vu, mais j'irai le voir. Donc, franchement, non, mais voilà pas, je vais pas engueuler ce pauvre garçon parce que tu sens tellement que c'est pas sa faute. Ouais. On lui a bousillé son film. Lui a changé son scénar au dernier moment. Et, oui. Et il a eu un Razzie Awards, mine de rien, alors qu'il a rien fait. Mais ça, par contre, c'est dégueulasse. C'est très dégueulasse. Mais bon, pour revenir à Deadpool, du coup. Oui. Bah, pour revenir à Deadpool, alors après, je comprends qu'il a des défauts, c'est normal. Aussi, c'est un premier film. Il faut savoir aussi qu'il y a la pression aussi derrière de la communauté comics, la communauté du Deadpool aussi. Et puis en même temps. Moi, le fait que ça m'a pas dérangé qu'il y ait deux X-Men, enfin, plus ou moins, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils ne servent à rien. En fait, si tu veux, moi, j'ai l'impression, quand j'ai vu Colossus et je sais plus comment elle s'appelle, elle me fait penser à Arya Stark. On va l'appeler Lado. Lado. Je me suis dit, c'est que du remplissage, en fait. Alors. Mais ça coûtait pas plus de mettre. Mais et des caméos, ça, je vois pas en quoi ça coûte plus cher. Bah, déjà. De mettre des figurants et des. Alors, James, réfléchis. James, il faut savoir. Très calme, arrêtez de me. James. Laisse parler de monsieur. Il faut savoir que le budget était de 50 millions. Tu rajoutes au niveau des effets spéciaux, au niveau de la réal, tu paies les acteurs, tu vas rajouter Fassbender, tu vas rajouter James McAvoy, tu vas rajouter d'autres acteurs. Non mais je ne demande pas des gros caméos comme ça, mais même non, des, mais justement, des figurants au moment où tu vois. Mais il faut les payer les figurants. Oui, faut les payer. C'est pas bien cher des figurants, faut arrêter quoi. Oui bon après faut regarder sur. Tu les payes avec des cailloux tes figurants. Ouais voilà, tu vas sur internet, tu leur dis vous pouvez apparaître dans Deadpool gratuitement, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui viendront. Et puis après moi ce qui m'a dérangé c'est le personnage de Colossus en fait. J'ai trouvé que Il est super mal caractérisé. C'est le stéréotype du méchant russe dans les films de Stallone dans les années 80. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est. Et ça rien à voir avec ce qu'est Colossus dans les comics. Oui, à la base, oui, en plus. J'imagine bien. Alors après, peut-être que c'est fait exprès venant de la part. Peut-être que c'est encore un petit clin d'œil à X-Men. Enfin, une grosse parodie. Mais honnêtement. Mais moi, je l'ai pas vu comme ça. Parce que quand tu regardes le discours de Colossus, il arrête pas de dire il faut que tu sois dans l'équipe, il faut que tu te rentres dans le moule. Et j'ai l'impression que c'est un truc qu'il envoie un peu, tu vois, à Marvel en disant vous avez plein d'héros et tout, mais finalement, vous les forcez tous à rentrer dans une seule direction, ils peuvent pas être comme ils veulent, nanana. Et justement, le fait que t'aies des poules qui disent j'ai pas envie, moi je fais ci, je fais ça, je suis pas un héros, nanana. C'est pour ça que maintenant, mais parce que c'est. C'était un peu une façon de se démarquer. Non, mais c'est pour ça que. Parce que Deadpool dans les comics, il veut jamais rentrer dans les équipes. Mais en même temps, est-ce que c'est pas un moyen de dire au public nous on n'est pas comme eux, ne nous confondez pas avec eux. Ouais, faut pas avoir du métaphore. Si, je pense. Faut pas avoir du métaphore. Je pense que dans Deadpool, c'est le truc où il faut le voir, justement. Ouais. Non, mais ce qui est sympa, en fait, c'est que Deadpool, c'est pas un super-héros. Enfin, il le dit clairement. C'est un anti-héros. C'est un anti-héros, et puis voilà, c'est juste un mec qui est tombé au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la plupart des héros qui ont eu des accidents, quoi que ce soit, ils se sont dit j'ai un défaut, je vais sauver le monde. Là, cette fois-ci, Deadpool, je schématise. Là, Deadpool, il se dit, j'ai super pouvoir, je vais penser qu'à ma gueule, et puis c'est pas parce que j'ai un costume et que j'ai des super pouvoirs que je vais sauver le monde, je vais penser qu'à ma gueule. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant au niveau du personnage. Il a plein de défauts, c'est normal, un film, ça n'est pas parfait. Dans le sens, moi, j'ai adoré, j'ai été agréablement surpris. Ça m'a fait le même effet, et je pense que Faye, tu vas garder James en mode pause. C'est que ça m'a fait le même effet que les Gardiens de la Galaxie. Dans un sens où je vais dire que les Gardiens de la Galaxie, je ne connaissais pas et j'en avais strictement rien à foutre. On est d'accord? Tout comme le Soldat d'hiver Captain America 2 qui était sorti à la même époque. Quand je suis allé le voir, j'avais le gros smile parce que j'ai passé un très bon moment. Je ne m'attendais pas à une direction artistique très recherchée et très créative. C'était inventif aussi si tu veux. Et après pour Deadpool, honnêtement, j'ai trouvé que c'était pas un film de super-héros. J'ai trouvé que c'était plutôt un stand-up, en fait. Un stand-up qui se fout de la gueule des adaptations de super-héros, en fait. Et je trouvais que l'humour, bon, voilà, c'est bien dosé. J'avais peur aussi que le quatrième mur soit trop surdosé. Et ben en fait, non, c'est juste voilà, bien juxtaposé. Il en fait pas trop. Et je trouve que Ryan Reynolds, mention spéciale pour lui, parce que quand même, le mec, il est allé, quoi. Tu sens que le mec, il est. Il est content, il est content. Il est Nous, c'est content. content de faire son C'est comme truc. toi quand on fait nos émissions d'amicales, on est content. Tu Oui, vois, bah c'est oui. pareil. T'as compris? Alors qu'à un certain moment, j'en avais un petit peu marre, tu vois, genre surtout sur les réseaux sociaux, tu voyais à chaque fois Deadpool, quoi. Non mais je vous jure, enfin, depuis un an, ou même quelques mois, t'avais que du Deadpool. Mais pour n'importe quoi, je me suis dit, bon, faut arrêter les gars, ok, c'est un film attendu et tout. C'est la fête des mères, Deadpool, T'étais à c'est fond Noël, dessus, arrête. Deadpool. Dis ça Non, alors que t'étais à non, fond dessus. non, Non, non, c'est non, pas vrai, non, James. non. J'ai pas dit que Non, c'est j'étais à sûr fond que dessus, non. j'ai juste dit, bah, j'irai le voir. Et voilà, j'ai pas dit comme certains que ça allait être de la grosse merde, hein. Quand on discutait, tu dis ouais, c'est le film que j'attends le plus cette année, Mais nanani. toi, Mais il a pas du rien dit en tout. plus. Pas du Mais tu vois, en tout. fait, Mais pas il du fait ses tout. conversations tout seul. Et le film que j'attends le plus là en ce moment, bah, c'est Batman vs Superman. En Donc plus, ça, il voilà. arrête Je croyais pas que de le c'était The dire. Revenant. Ouais, mais oui, Oui, The mais il Revenant est aussi. sorti. Mais là, il est Revenant, sorti c'est celui-là. Après, pas maintenant, de. c'est Batman vs Superman. Donc. Ok, bah t'as bien raison. Voilà. Et au final, bah, écoutez, Deadpool, moi, j'ai été agréablement surpris. Il est. Enfin, ça fait du bien. En fait, il y a un bol d'air frais, en fait. Et j'ai trouvé que si ça peut permettre à d'autres super-héros d'avoir d'autres adaptations, bon, pas dans le même genre, je pense à des. Bon, ça a été adapté, mais Spawn, si Ah, on peut. j'allais te dire pareil. Voilà. Et il y a un fan film sur Spawn qui est sorti il y a pas très longtemps qui est pas mal du tout. Ah D'accord. bah Ah écoute, j'irai voir. Donc si ça peut permettre à d'autres héros qui sont mis au dernier plan comparé à des Captain America, d'Iron Man, moi je dis oui. Et je dis oui pour un Deadpool 2 et même un 3, mais après c'est tout. Voilà. Parce qu'après, voilà, une Après, il y en a trilogie. marre. Après, il y en a C'est ça. marre. Une trilogie Deadpool, je pense que ça suffira amplement. Si tu étales trop sur le personnage, eh ben ça va faire comme l'univers Marvel en ce moment. C'est-à-dire que les Bah, un gens. Deadpool 2, puis après X-Force. C'est-à-dire que, voilà, X-Force Mais ou je sais ils veulent faire pas. X-Force d'ailleurs. Ryan Reynolds, il est parti en campagne pour faire X-Force. Ou Parce que alors ça un. lui tient vachement à cœur, apparemment. Ou alors un Oui, mais du coup, Deadpool je. versus Wolverine. Je pense que la plupart des gens attendent un caméo avec Hugh Jackman. Oh, putain. Non, on s'en fout du On Jackman. l'a eu Hugh plus. Jackman nique J'ai envie. pas. Alors sans spoiler, on l'a eu plus ou moins dans le film. Et vous allez comprendre pourquoi si vous allez le regarder. Ah Et oui. mention spéciale pour la bande-son. Parce que j'ai trouvé que dans les phases où il est sur l'autoroute, au niveau du tempo, ça m'a rappelé une chanson de Michael Jackson, Beat It, en fait, le début. Bon, après, je crois que c'est Junkie XL qui a la bande-son, si je dis pas de bêtises. Il a fait plutôt du bon boulot. Et puis après, bon, les bandes-son un peu hip-hop, DMX, et je me souviens plus le nom de l'autre artiste. Voilà, moi, je trouve que ça s'accorde un petit peu dans l'univers du personnage. Et j'ai. Moi, j'attends plus que Deadpool 2. Alors, ce qui paraît, pour Deadpool 2, apparemment, il sortira en 2017. Alors, j'espère pas. J'espère surtout pas. Parce que sinon, Mais il y a Gambit qui va sortir cette année, Non, normalement. alors il y a eu une news Ça a été aujourd'hui, repoussé, il a ça a été été repoussé. repoussé. Ah, ça Il m'étonne a pas. même plus du tout de date. Ah, Et ouais. ils ont avancé. Attends, c'est quel film qu'ils ont avancé? Je sais plus, merde. Un truc à la con qu'ils ont avancé. Bon, bah. Truc à la con, Excusez-moi. tu te reconnaîtras. Voilà. Et après, alors juste dernière recommandation, voilà, si comme Faye, vous avez aimé Deadpool et puis vous êtes dirigé vers votre libraire ou votre comic shop, moi ce que je vous conseille d'abord c'est de lire Il faut soigner le soldat Wilson. Ouais. Parce que J'achète celui-là. c'est juste, ça vous raconte vraiment, alors pas les origines de Deadpool, mais les origines quand il était mercenaire avec d'autres mercenaires comme Domino ou Bullseye. Et en fait l'histoire, si vous voulez, c'est que Deadpool, il est jugé. Parce qu'il est accusé d'un massacre au Mexique. Et pendant tout le long de cette affaire, eh bien, il y aura des flashbacks et bah, des moments hyper drôles qu'on a l'habitude avec Wade Wilson. Il y a même un moment où il est en Michael Jackson. Enfin bon, voilà. J'en dis pas plus. Et voilà, vous allez vraiment reconnaître tous les caractéristiques du personnage. Je recommande chaudement Il faut soigner le soldat Wilson et aussi Deadpool Massacre Marvel. Voilà, c'est mes deux recommandations comics si vous voulez lire du Deadpool. Donc Moi, je vous voilà. recommande de regarder la prochaine émission de Comics Discovery où on parlera de Deadpool aussi dedans. Donc. Ah, comment il D'ailleurs, fait moi du j'ai placement lu Je produit! suis Ouais, Deadpool. grave. Moi, je suis corporate, tu vois. Moi, je disais, moi j'ai lu Je suis Deadpool, qui Mais voilà, c'est réunit ça pas mal de dont je voulais parler d'histoires. donc. C'était assez sympathique. Bon, chute. J'en parlerai dans Comics Explorer. Mais sinon, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, Goustic, ça m'a fait le même effet. Voilà. Ok. Moi, j'irai juste que dans 2 ans, on l'aura tous oublié. Voilà, c'était ma dernière parole sur Deadpool. Et restez jusqu'à la fin. Restez jusqu'à la fin, parce que voilà. C'est... Mais vous avez tous les films, sur les super-héros, pour rester jusqu'à la fin. Non. C'est un truc qui m'hallucine, ça fait des années que maintenant on a les films Marvel où il faut rester après le générique, et t'as toujours des gens, dès que c'est fini, ils se cassent. Oui. Et ils sont... Mais tu fais... Non mais quoi? Tu fais pareil sur tous les autres films. Non, ça dépend les films, mais les Marvel, tu le sais, quoi. Ouais. Il y en a qui le savent pas. Bah, ils sont cons. Les Pixar aussi, il faut rester jusqu'à la fin. Bon, les Pixar, on s'en fout. Mais les Marvel, on le sait, quoi. Merde, les gens, ils se... Puis en plus, ces gens, ils regardent genre en mode, mais pourquoi vous vous cassez? Pourquoi vous cassez pas? Et ils se cassent, quoi. Donc, restez jusqu'à la fin, et parce que la scène post-générique est assez drôle. C'est une parodie des post-génériques. Elle est très, très bien. Ouais, moi, j'ai bien aimé aussi. Oh, le post-générique. Oh! Mais oh là là, quand on lui coupe la tête. Putain. Ouais. Oh là là, soupelé quoi. Vous passerez un bon moment, le film est sympa, mais ne vous attendez pas à un truc un truc oufissime. Mais c'est peut-être bien d'avoir quelque chose qui est peut-être moins ambitieux au niveau de la menace et tout ça que Captain Marvel, et qui change un peu et qui a de l'humour. Et qui... D'ailleurs, on en a pas parlé, mais mention spéciale au masque. Parce que je trouve qu'il est... Oui, le masque est vachement bien animé. En fait, ouais. Ouais. Il est bien le animé. Le masque est bien animé. Alors, je sais pas comment ils ont fait ça, si c'est du maquillage. Non, mais le film a plein de qualités, mais il y a des gros défauts qui font que... C'est une première œuvre. Oui. Et puis en même temps, excuse-moi... Ça manque d'un vrai mec... Enfin... Moi, j'ai eu un peu l'impression qu'il y avait un Yes Man derrière, et que ça aurait été bien avec un vrai auteur derrière. C'est qu'une impression, alors. Le problème de Deadpool, c'est la Fox. Et la Fox, je leur pardonnerai jamais ce qu'ils ont fait à Joss Whedon sur Firefly et sur ces autres séries. Ils peuvent tous s'en... Alors, non, on s'en fout pas de Firefly, c'est la meilleure série du monde. Je vous pisse. Non, mais c'est de la disgression. Je vous pisse, alors. Faites-nous revenir Firefly. Voilà, bon, faites revenir Firefly. On va passer à la fin. Et on va arriver bientôt. Juste un truc. L'autre mutant qui était avec Colossus s'appelle Negasonic Teenage Warhead. Voilà, merci. Voilà. Ça fait penser à Négationniste. Hein, toujours plus court, les pseudos. Tout à fait. J'aime le pas mutant. Trop ce personnage. Bref. C'est du white. C'était l'info. Pardon. C'était l'instant Jeanne au secours. Voilà. Ça c'est dit. Ok, bon, on va passer à la fin. Et à la fin, on va vous conseiller des trucs qu'on attend dans les semaines à venir. Puisque normalement, le podcast est censé être bimensuel, donc normalement, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines, dans puisque un an. Bimensuel, c'est tous les 2 mois, d'où les deux fois par mois. Bimensuel, c'est tous les 2 mois. Ouais, excusez-moi. Allez, arrête de bouger, parce que tu fais bouger le micro en Suisse, et excusez-moi. Parle-nous bien, vas-y. Et on va... Refais-le. Oui, et chacun d'entre nous va... Non, refais-le, parce que t'as dit n'importe quoi. On refait tout, d'accord. Donc on va arriver à la fin, et comme le podcast est bimensuel, donc c'est-à-dire 2 fois par mois, on va vous... parler d'un truc qui va arriver entre les deux semaines qui vont arriver et que vous pourrez courir aller voir. Voilà. Donc on va commencer par Starflord. Est-ce que tu as quelque chose à nous conseiller, Starflord? Alors là, dans les jours à venir, je t'avoue, je ne sais pas trop, si ce n'est qu'à la fin du mois de mars, il y a un film que j'attends énormément et dont on en avait déjà parlé vite fait. C'était Man of Steel 2. Et oui, Man of Steel 2, que tout le monde n'attend pas. C'est pas Man of Steel 2, c'est Batman vs Superman. Eh ben justement, c'était pour la blague. Batman vs Superman, je pense que tout le monde l'attend et avait plus ou moins ce sujet. Est-ce que tout le monde avait ce sujet ou pas? Non. Non, pas moi. Et je on s'est concerté avant et on avait, tout le monde avait le même sujet. Donc, tous les garçons avaient le même sujet. Mais après, donc, je peux tomber. Vas-y, pourquoi tu attends Batman vs Superman? Bah parce que Batman, voilà. Au revoir. C'est une raison. Non, je plaisante. On va passer à Goustic. Non. En fait, j'ai un autre sujet par rapport à ce film, parce que je suis pas le meilleur qualifié pour parler de cinéma ou quoi, mais moi je l'attends parce que j'ai envie de voir le nouveau Batman, j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire avec ce Superman qu'on a déjà mis en avant et qui a plus ou moins divisé les gens. Mais bref. Putain, je viens de trouver un truc, c'est pas grave. Mais j'ai un autre sujet à parler, et oui, ça s'appelle The Culling. The Culling, c'est un jeu vidéo qui va sortir sur PC et qui va sortir dans sa phase Early Access le 8 mars, et le jeu a été tellement précommandé que les gars se sont dit Ok, on coupe, parce que là, il y a eu tellement d'achats et ça n'a aucun sens. Alors, qu'est-ce que c'est, puisque le jeu était en alpha pendant ce week-end, c'est Battle Royale en jeu vidéo. En gros, vous entrez dans une arène très... où t'es dans juste une forêt tout simplement, t'as un lac, etc., tu as un pont, t'as des bunkers, et dans tous ces endroits-là, tu vas pouvoir trouver des objets, des éléments qui vont pouvoir te permettre de construire des armes, des objets de soutien. Mais c'est pas le jeu que t'as fait en stream. C'est un jeu que j'ai pu, voilà, c'est un jeu que j'ai pu faire en stream, et ce jeu-là, est un potentiel fou en fait, parce que vraiment, le principe de se dire, je vais faire un Battle Royale en jeu vidéo, ça n'a pas vraiment été fait, et là, enfin, on nous propose un jeu dans ce essor-là, un peu à la Hunger Games et tout. Et les mécaniques s'inspirent vraiment de tous les jeux sandbox actuels et fait de ce qu'il y a de meilleur en termes de FPS, parce que pour une alpha, franchement, je n'ai jamais joué à un jeu aussi plus ou moins complet pour un début, pour une grosse démo. Et c'est un potentiel de fou derrière, vraiment. Si vous aimez les jeux de survie, les deathmatch, les PVP... Enfin bref, si vous aimez mettre en avant votre skill, intéressez-vous à The Culling. C'est un jeu qui vraiment passe un petit peu... inaperçu parce que c'est un studio indépendant, mais vraiment par les streamers et par les vidéos, il arrive à se faire entendre un peu plus, et tant mieux, j'ai envie de dire. Et voilà, donc, si vous aimez la bonne tuerie, c'est parti. Mais de ce que j'ai vu sur ton stream, ça ressemble vachement à ce que j'avais vu sur un autre stream des gens de Vanquil, qui en fait, c'est un mode de DayZ qui avait à peu près le même principe en fait. Donc ouais. Un truc avec le gaz une zone de gaz qui se rapetisse petit à petit. Tu parles de... Peut-être le dernier à survivre. DayZ ou Rust, non? C'était Rust ou DayZ? Je crois que c'était DayZ. Il y avait DayZ, ils avaient fait ça. Et ouais, c'est DayZ qui avait un truc comme ça. Après, par rapport à DayZ, DayZ se vend comme un open world, alors que The Culling te vend comme un combat match à mort de 16 personnes dans une arène. Donc une arène... Mais non, mais là, c'était une map, une grande map, qui se rapetissait au petit à petit. Ah, d'accord. Et en fait, il fallait survivre jusqu'au dernier. C'était un peu le même délire. D'accord, en fait. Ça, je ne connaissais pas. Et par le fait que DayZ avait un gros problème avec sa communauté, et aussi parce que le jeu a été un petit peu abandonné par les créateurs, la situation, vu la mentalité des joueurs, etc. Alors que sur The Culling, non, on te vend déjà le jeu comme un jeu où tu dois te massacrer et que tu n'as pas vraiment de copains à faire, alors que dans DayZ, on te vend ça comme étant un jeu où tu peux potentiellement coopérer, alors que non, définitivement non. Là, on te vend le sujet de base, tu es un gars lambda qui va se battre dans une arène avec des armes qui apparaissent de manière aléatoire, et tu dois tout faire pour survivre et être le dernier survivant. C'est Koh-Lanta, mais en version badass. Ok, ça peut être intéressant. Est-ce que, Goustique, tu veux passer à ton truc que tu attends ? Alors, mon truc que j'attends, à part de partir en Belgique dans quelques jours, comme vous savez, je suis un grand fan du Dark Knight. Eh bien, je vais vous parler de Batman vs Captain America qui sortira le 23 mars. Je vais vous parler de cette pseudo-suite de Man of Steel 2, Batman v Superman, l'aube de la justice. Non, la suite de Man of Steel, pas la suite de Man of Steel 2. Oui, enfin oui, bon pardon, excusez-moi. Mais je vais vous parler, je pense, de Batman v Superman, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, et il faut savoir qu'on n'a pas attendu 2013 pour faire une rencontre entre Batman et Superman. Je vous en dirai un peu plus la prochaine fois, et des recommandations comics entre Batman, Superman et Batman versus Superman. Voilà. En plus, il tease ce dont il veut parler dans le prochain podcast. Mais on applaudit ce corporatisme. Merci. Qui te dit que c'est pour le podcast? Attention. Qui te dit que c'est du teasing. Teasing de teasing de teasing. Uh-huh. Ça sera pour du podcast, et peut-être ça sera pour un autre projet. Chose. Pour un autre projet, voilà. Uh-huh. Ok. Est-ce que Faye, tu as... Ouais, alors moi j'en ai rien à branler de Batman. D'accord. Ok, ça, alors ça, j'arrête l'enregistrement de suite. Voilà. Depuis que c'est plus Michael Keaton, je m'en fous. Qu'est-ce que je vais dire ? Donc, non, moi, comme je suis toujours dans les séries et que je vais rester sur ABC, je vais parler d'une autre série d'ABC que j'aime bien et qui recommence dimanche soir et que j'attendais son retour avec impatience. C'est Once Upon a Time. Mmh. Et pourquoi j'aime cette série ? Parce qu'elle réinterprète vachement bien les contes de fées, les persos sont intéressants, à part les Charming qui ont un problème avec leurs enfants, qu'ils oublient un petit peu dans des placards et autres, c'est la petite blague des fans. Mais voilà, moi j'aime beaucoup, je passe tout le temps un bon moment, ça me distrait, ça me fait un peu rêver, il y a des petites histoires sympas. Et donc, ce qui est cool, c'est que la 5A... Alors, je veux pas trop spoiler en fait sur la thématique, je sais pas si je peux dire un peu. Vas-y, spoil quand même. Bon, de toute façon, je pense qu'il y avait toutes les photos sur Internet. Donc, la 5A, elle était centré sur Emma qui était devenue Darkspawn, enfin qui avait des pouvoirs. T'es devenu méchant. Voilà, elle avait pris les pouvoirs de Gold, bref. Oh non. Et là, il s'est passé tout un truc, et là, ils vont devoir aller en enfer. Enfin, plutôt au purgatoire. Ah oui, quand même. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En fait, ils copient Supernatural. Non, parce que non, c'est pas pareil. Mais bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'ils vont introduire d'autres persos Disney issus de l'univers d'Hercule. Mm-hmm. Donc, je suis assez curieuse. Par contre, je suis pas trop emballée sur l'acteur choisi pour jouer le dieu de l'enfer. C'est le mec qui était dans Ally McBeal, celui qui sortait avec Lucy Liu. Ah oui, oui. Ah ouais, sais, ouais, dans, ouais, ouais. Il était aussi dans Resinop, là, il faisait le ouais, c'est vrai, ouais. Et donc voilà, donc bon, je suis curieuse, mais à la fois j'ai un peu. J'aime bien aussi. Lui, il est marrant. Voilà, alors j'aime beaucoup la série, mais c'est vrai que. En plus, il ressemble bien au Hades de. Bah, je sais pas trop, je trouve que Hades il ressemble plus à Nicolas Cage. Non, je trouve qu'il ressemble bien au Hades de. Est-ce qu'il y aura Patrick Timsit parce que vu que t'as parlé des personnages d'Hercule. Non, non, là, il sera pas. Non, non, on n'aura que Hercule, ça va. Tu crois qu'on aura. Il y aura le bossu Notre-Dame et. Et Francis Lalanne. Enfin bon, en tout cas, moi j'aime toujours, mais je pense qu'il y aura peut-être une saison de plus et après ça s'arrêtera. Je vois bien 6 saisons comme Lost. Parce qu'il commence à arriver au bout de l'histoire. Mais en tout cas, si vous avez envie de vous détendre, moi c'est une série que je conseille. Et puis putain, il y a Regina, quoi. Rien que pour ça, merde. Ah, c'est vrai que c'est une belle femme, c'est vrai. Evil Queen, c'est le meilleur. Alors moi aussi, j'ai parlé d'un truc vraiment détente, tu vois. C'est un jeu vidéo qui vraiment va vous détendre et va pas du tout vous faire rager. J'ai parlé de Dark Souls 3, qui va sortir fin mars. Alors moi je suis un très très grand fan de toute la série, enfin de toute la série, j'ai pas fait Demon's Souls mais j'ai fait Dark Souls 1 et 2 et j'ai fait Bloodborne et franchement... T'aimes bien perdre ton temps toi. Non, mais non. T'as bien ragé c'est toi. C'est tellement ouais. Drôle de le voir jouer. T'as un self-control toi. Je rage beaucoup, c'est vrai. Mais contrairement à ce que tout le monde pense, c'est pas des jeux durs, c'est des jeux qu'il faut appréhender. Non. Et des jeux qui vous demandent de comprendre le timing des ennemis, et franchement je trouve que c'est un des très très bons jeux, des jeux qu'il faut savoir prendre en fait, même l'histoire du jeu, il faut vraiment aller la chercher pour la voir, c'est vraiment une série, donc pour les gens qui ne connaîtraient pas, les Dark Souls c'est une série de Heroic Fantasy qui sont connus pour être des jeux très très durs. C'est vrai que c'est pas des jeux faciles. C'est un jeu où si tu fais pas attention, le moindre petit ennemi, genre un moindre petit squelette, va te casser la gueule parce que tu auras fait une erreur. Mais tu sais, c'est ce genre de jeu, c'est pas un peu comme Super Meat Boy, où tu sais, tu perds, mais c'est pas la faute du jeu, c'est parce que c'est toi qui as fait une connerie. C'est un jeu qui demande de la performance et qui va te pousser à réessayer, jusqu'à ce que tu réussisses. Et quand tu as réussi, tu as vraiment un sentiment de dire ah putain j'ai réussi à passer ça. Quand tu réussis à passer un boss, t'as vraiment un truc de ah putain j'ai réussi, c'était trop. Ouais, t'as cette satisfaction d'avoir gagné quoi. C'est... Oui, c'est pas c'est, dans les nouveaux jeux qu'on a en ce moment, tu t'as plus cette sensation de défi, tu vois, tu viens de passer un défi, c'est pour ça. Ouais. Et c'est pour ça que c'est cool. Et en plus ce qui est cool avec Dark Souls 3, c'est qu'ils vont prendre tout ce qu'il y avait de bien dans Bloodborne, qui est un jeu avec le même état d'esprit, mais qui était plus fluide, avec un personnage qui était beaucoup, beaucoup moins lourd et beaucoup plus rapide. Et apparemment, ils ont gardé cet état d'esprit-là pour Dark Souls 3. Donc, on aura le droit à ce côté médiéval fantastique et ce côté beaucoup plus custom et tu fais ton héros comme tu veux, qu'il y avait dans les Souls. En plus de tout ce qu'a pu apporter Bloodborne, et franchement, moi j'ai hâte de pouvoir toucher à ce jeu-là. Ok. Donc voilà, je sais pas si j'ai réussi à vous donner envie un tout. Si, mais non. Tu sais, tu disais qu'on fait plus trop des jeux où t'as vraiment cette sensation de défi, où tu es content d'avoir enfin passé l'enfer et tout. Il y a un jeu dans cet esprit-là aussi, mais qui est totalement différent dans son genre et dans son gameplay, c'est XCOM. Là aussi, c'est un jeu qui devient très difficile, mais dès que t'as réussi ta mission, t'es tellement heureux. Ah oui, j'en ai entendu parler aussi. Je sais plus qui c'est qui a fait une vidéo dessus, il n'y a pas longtemps. Faudrait que je m'y intéresse aussi. Ça a l'air cool. Voilà. Et donc, on arrive au moment où il faut dire au revoir. Ah bon ? Oh. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines, si ce pilote passe le moment du montage. Oui. On croise les doigts. Cette fois avec Bilou. On espère que Bilou sera là. On pense à lui s'il nous écoute. On lui envoie salut artiste, big up. Ouais, on lui envoie des bonnes ondes et des saucisses. et moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines et je vous fais des bisous. Allez, bye bye. Ciao, ciao. Ah non, attendez, attendez, attendez. Quoi? Avant de dire au revoir, je voulais que chacun dise où est-ce qu'on peut le retrouver en dehors de ce podcast. Ah donc, bah oui. Goustique, est-ce que tu peux nous dire à part où on peut te retrouver, à part en Belgique? Ah merde, tu m'as un petit peu devancé. Eh bien écoutez, vous pouvez me retrouver tous les mardis sur La Voix du Geek, une émission de radio sur la bande FM 411.3 si vous êtes dans l'Aquitaine. Ou sinon, vous pouvez nous écouter et nous regarder sur la chaîne Twitch de La Voix du Geek, puisqu'on stream l'émission de radio et on stream ainsi les jeux vidéo. On en stream presque toute la semaine. Voilà, donc n'hésitez pas à liker sur Facebook, à nous suivre sur Twitter et puis à nous écouter sur PodCloud et iTunes. N'hésitez pas à leur mettre 5 étoiles sur iTunes, parce que plus ils sont référencés et mieux ils seront mis en avant sur Apple. Et pareil pour nous, si... n'hésitez pas à donner à noter sur iTunes et sur PodCloud. Ok, je fais ça maintenant. Bien au chaud. Ok. le podcast n'est pas encore sorti, donc. Non, mais c'est pas grave, je le fais maintenant aussi. Voilà. Okay. Donc, Starflord, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur en dehors sur les internets. Sur les internets. Mais à part internet, dans une cave à Grenoble. Non, plus exactement, sur ma page YouTube qui regroupe mes vidéos, enfin mon contenu vidéo, où je fais des vidéos de jeux vidéo et là. Plus récemment sur Overwatch, qui est donc une grosse licence qui va arriver très prochainement et auquel j'avoue un amour. Et surtout, la page Twitch où je commence le streaming avec des jeux que je diffuse comme ça, comme j'ai envie, et où on peut discuter de tout et n'importe quoi. Et ben c'est cool. Et Faye, est-ce que tu peux dire où est-ce qu'on nous retrouve, puisque si les gens ne le savent pas, nous sommes à Montpellier. À Montpellier, effectivement. Chut, dans une cave. Non, on n'est pas dans une cave, on est dans un grenier. Eh bien, chers amis, vous pouvez nous retrouver sur la magnifique chaîne YouTube de l'Amicale du Geek, où nous postons des vidéos sur des choses que nous aimons, des choses que nous avons envie de parler. D'ailleurs, allez voir notre dernière vidéo, Geek en série, consacrée à X-Files, notre série chouchou dans mon petit cœur. C'est magnifique. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook et Twitter pour venir discuter avec nous de séries, de films, commenter ce qu'on fait. Et puis d'ailleurs, n'oubliez pas que plus vous abonnez, plus vous likez, plus vous commentez, déjà ça nous fait super plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'être un peu plus mis en avant, parce que on aimerait bien avoir quand même un peu plus de vues. Comme tout le monde. Sinon, on a aussi une chaîne Twitch où vous pouvez voir James qui s'énerve sur ses jeux vidéo. Sur Bloodborne, ouais. Voilà. Sinon, on a nos comptes perso Twitter aussi. Ouais, venez tous sur Twitter aussi pour Goustique et Starflord et Bilou aussi. Oui. Voilà. Et sinon, je profite juste de l'occasion pour dire aussi que vous pouvez me retrouver sur deux groupes Facebook qui me tiennent à cœur. Un qui s'appelle le Buffyverse, où je suis admin pour parler de la série de Buffy et tout ça. Et un autre qui s'appelle X-Files Genesis, qui est réservé en fait aux fans comme moi qui ont connu dans les années 90 la série et qui se sentaient seuls à l'époque parce qu'il n'y avait pas internet et qui ont envie de retrouver d'autres gens de cette époque-là pour parler de la série. C'est un peu excluant, quand même. Et analyser. Bah oui, mais disons que certains groupes, c'est un peu. Si t'es jeune, t'as pas le droit de venir dessus. Bah, non, mais si t'es jeune, tu peux venir, mais si c'est pour mettre genre, machin, il est trop beau, gna gna gna. Non, parce que c'est un groupe d'analyse, en fait. Voilà. Ok. Donc, parce que ça me tenait Et tu parles pas de notre groupe série cinéma. Bah, ça fait partie de l'univers de l'Amicale du Geek, donc vous venez sur la page Facebook, il y a tous les liens, les enfants. Et il y a aussi le blog où il y a tous les liens, voilà. Exactement. Tout à fait. Bah, moi, c'est pareil que Faye, voilà. FayeFanel, c'est mon Twitter, vous pouvez venir discuter avec moi. Moi, c'est James, je sais plus ce que c'est mon. On s'en fout. Ah, l'Amicale du Geek, t'as plus l'Amicale du Geek, vous trouverez. Voilà. Et je vous dirai pourquoi Off to Get Away with Murder est une série à voir. Et à revoir. Moi, je dis merci à Starflord et à Goustique d'avoir été si patient et aussi cool. Merci beaucoup à eux. Merci à toi, je t'en prie. Merci à toi aussi. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines. Allez, bye. Ciao, ciao. Salut.